les champions, putain. On est les champions. Non mais tu le crois ça? On est les champions. Non mais c'est fou. Bon, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe. Et bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill. C'est la première émission de cette année 2019. J'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année sportive, évidemment, pour cette nouvelle année riche en émotions encore, hein, même s'il n'y a pas de grosses compétitions dans certains sports. Mais il y a aussi, par exemple, le mondial de hand, coupe du monde de rugby, mondial féminin de foot. Il y a plein de choses pour 2019. Vous ne serez pas dépaysés, c'est sûr. Ce soir, pour cette 16e émission de la saison 4, on va faire deux petit débat donc sur prospective, on peut l'appeler comme ça, sur l'année 2019, avec deux petits débats qui vous font réagir, j'en suis sûr, et un débat sport montpelliérain. On va faire le point de quatre clubs ce soir: le MHSC, le MHB, le MHR et le BLMA pour le basket féminin. On recevra en deuxième partie deux invités, donc Julie Jean, psychologue du sport, ainsi que Fabrice Dubois, pardon, excusez-moi, qui sera conseiller interrégional de l'antidopage, donc pour ce thème donc du dopage dans le sport. Ça sera en deuxième partie d'émission, enfin deuxième partie, ça sera plus rapide que prévu parce qu'on va en parler une petite heure quand même, ça va être assez long. On les recevra en deuxième partie d'émission, voilà. Ce soir, les chroniqueurs qui sont autour de la table, il y a du beau monde, même s'il nous en manque un, évidemment, comme d'habitude. Parfait pour démarrer 2019. C'est vrai, évidemment, le gratin pour la première. D'ailleurs, Paul, bonsoir à toi, salut. Bonsoir Flo, bonne année à tous. Guillaume, salut, comment ça va? Bonsoir, bah, ça va très bien, bonne année à tous. Et Yacine aussi, qui est avec nous ce soir et qui nous parlera notamment de hand, mais bien sûr de plein d'autres choses. Et bonsoir messieurs et meilleurs voeux à tous nos auditeurs. Oui. Bon voilà, les vœux sont passés et on passe tout de suite à notre première rubrique du débat. Sport and Chill, le débat de la semaine. Alors on va commencer avec notre petit débat de la semaine, donc il y en a deux de 10 minutes chacune. On va commencer avec la première, j'en ai parlé un petit peu des compétitions qui auront lieu cette année en 2019. Quelle est la compétition pour vous que vous attendez le plus en 2019? Je fais une petite liste non exhaustive. La Coupe du Monde féminine de foot qui aura lieu en mai-juin, le Championnat du Monde d'athlétisme qui aura lieu donc cette année, la Coupe du Monde de rugby au Japon en octobre, si je ne me trompe pas, septembre-octobre, le Championnat du Monde de basket, la phase finale de la nouvelle Coupe Davis, on peut l'appeler la Coupe Cosmos ou Coupe Piqué comme vous voulez, la Ligue des Champions de football qui était très indécise cette année, la Coupe d'Afrique des Nations pour ceux qui préfèrent le foot africain, ou encore le Tour de France qui lui aussi est peut-être encore plus indécis encore que les années précédentes. Messieurs, est-ce que vous avez un petit avis à nous faire partager, Yacine, en premier lieu? Alors moi je pense, c'est sans trop d'hésitation que ça sera la Coupe du Monde de rugby, pour la simple et bonne raison qu'elle signifiera pour l'équipe de France, on en perd de vitesse depuis des années, mais on peut l'être officiellement si on se fait éliminer éventuellement pour une équipe comme l'Argentine, qui je pense est encore à notre niveau. Donc ça sera pour moi la compétition à suivre, pour l'équipe de France, et puis après pour voir si les cartes ont été redistribuées entre les pays du Nord et les pays du Sud. Mais voilà, mais pour le côté français, je pense que ça sera un test et ça sera peut-être le dernier avant ou bien le renouveau ou bien tomber encore plus bas. Je pense qu'on peut envisager le renouveau de toute façon. D'accord, voilà, avec ça, c'est peut-être la compétition à suivre cette année, la Coupe du Monde de rugby. J'ai envie de dire oui, surtout qu'en tant que spécialiste entre guillemets de rugby, oui. Tu peux te proclamer ainsi. Mais le problème, c'est que l'équipe de France est tellement mal en ce moment que je l'attends pas comme j'ai fait avec le foot par exemple, où je me suis dit là on a vraiment des chances. Le rugby cette année, même si la France est capable de tout, on le sait, là vraiment on part presque de zéro, on n'a aucune certitude, presque à zéro poste. Est-ce que c'est la compétition que j'attends le plus? Oui. Mais est-ce que c'est celle qui va me faire le plus rêver? Non, je pense pas. Clairement. Moi, c'est surtout la Ligue des Champions de foot, j'avoue, avec le PSG et Lyon qui sont en lice. Savoir si le Real, après Zizou, va réussir à assumer son statut. Je ne pense pas, mais ça va être un joli challenge. Donc là, moi, je me penche aussi sur le foot. Donc évidemment, j'ai envie de dire tous les sports, parce que le foot féminin aussi, ça va être intéressant. En plus, ça se joue en France, à Montpellier, il y aura des matchs. Ouais. Mais la Ligue des Champions m'intéresse le plus, je pense. D'accord. Guillaume, partages-tu ces avis ? Oui et non. Enfin, moi, je ferais la distinction entre les événements récurrents qui sont la Ligue des Champions, Roland-Garros, tous ces tournois, le Tour de France, qui sont là chaque année, donc il n'y a pas la même attente. Par rapport à une compétition comme le championnat du monde d'athlétisme, c'est tous les deux ans, c'est vrai, mais... c'est quand même plus exceptionnel. Plus régulier, ouais. Et c'est un truc que j'attends chaque fois, le championnat du monde d'athlétisme, parce que l'été c'est creux en sport. Après le Tour de France, moi je m'ennuie. Il y a la natation. L'année dernière, il y a eu les championnats d'Europe sur plusieurs sports. En mode un peu JO, c'était pas mal. Ça comble le mois d'août avant l'US Open et tout ça. Et la reprise des championnats de sport. Donc, les championnats du monde d'athlétisme cette année, voir qui c'est qui va prendre la succession de Bolt, si la Villeni va enfin être champion du monde. Et sur Kevin Mayer. Kevin Mayer, s'il va être champion du monde une deuxième fois. Voilà, il y a plein de. En athlétisme, il y a plein d'attentes cette année. Oui. Donc voilà, moi j'ai cette compétition, j'attends. Évidemment, la Coupe du monde de rugby prendra une place importante. Moi, en tant que moins passionné que certains ici, si la France fait un mauvais parcours, je vais peut-être me lasser dès les phases... De poule. Non, pas de poule, mais parce que je pense qu'on fera tous les matchs en phase de poule quand même, on va pas déclarer forfait. On les perdra peut-être tous. Ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'en fait j'avais parlé du rugby, c'est que je pense qu'on est moins bon que l'Angleterre, je vais y arriver. Qu'on est au même niveau que l'Argentine, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir est-ce qu'on est tombé suffisamment bas pour perdre face au Tonga, par exemple. On a déjà perdu face à eux en 2011, mais on arrive en finale. Ce serait un match à jouer. On pourrait très bien gagner l'Argentine et perdre le Tonga en phase de poule, tu vois. L'essentiel, c'est de se rassurer. Je pense que c'est pour ça que je vois la compétition comme étant celle qui sera incontournable, en tout cas à mes yeux, c'est de voir si on a vraiment encore le niveau de l'Argentine, donc à peu près dans les gros styles, le top 8 mondial. Ou bien est-ce qu'on est en dessous, quoi. Le seul problème, c'est que l'Argentine reste une équipe qui est extrêmement performante lors des Coupes du Monde, justement. Absolument. On les a déjà battus dans l'année, mais ça fait longtemps qu'on les a pas eu en 2007, en Coupe du Monde. C'est notre bête noire, hein, oui. Donc en Coupe du Monde, ça peut être intéressant de les avoir. Moi je pense hors France plutôt. La Coupe du Monde de rugby, ce sera peut-être un éternel recommencement avec le All Black en finale et puis peut-être une nation encore du Sud qui sera face à elle. L'Irlande, donc peut-être. Je pense peut-être. J'espère l'Irlande. On peut d'ores et déjà conclure que, dès le début, que si deux nations du Sud s'affrontent en finale, la compétition, je dirais pas qu'elle aura été inintéressante, mais rien de nouveau sous le soleil, tandis qu'une équipe comme l'Irlande ou l'Angleterre, qui arrivera en finale et qui sera en mesure de taper les Blacks, mettons. Je pense qu'en ce moment, il y a quatre équipes qui se détachent, évidemment les Blacks et l'Afrique du Sud, et l'Irlande et l'Angleterre. Voilà. Si on devait avoir quatre équipes aujourd'hui. Qui sont les gros favoris. Qui sont les gros favoris de la compétition. Romain, tu viens d'arriver. Bonne année à toi, Romain. Bonne résolution pour 2019. Bonne résolution. Le retard n'est pas parmi tes résolutions. Il y a des choses qui ne changent pas, vous voyez, même en 2019. Mais bonne année à vous aussi. Est-ce que tu as une réponse à nous fournir donc à cette première problématique de la compétition que tu attends le plus? On a quand même beaucoup parlé de la Coupe du Monde de rugby. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi. Mais est-ce que tu as une autre compétition qui te ferait rêver? Bien sûr qu'il y a la Coupe du Monde de rugby, comme vous l'avez dit, qui pour moi reste l'événement majeur. Mais ensuite, justement, si on pense que nous sommes en France et en plus à Montpellier, pour moi, il y a quand même un bel événement qui arrive. Je crois que j'ai parlé du Tour de France après 20 secondes. Mais... Non, même pas, parce que justement, je suis assez d'accord, c'est quand même le Tour de France. Celui-là sera particulier. Il le fait, Valverde Non, en plus il ne le fait pas. Il le fait pas. Cette année, je sais. Non, il fait le Giro et la Volta cette saison. Attends, et le Giro pour la deuxième fois. Vous voyez, il me posait des questions sans que je vienne dessus. T'es agressé, quoi. C'est terrible. Et donc, non, mais voilà, le Tour de France, j'espère qu'il sera intéressant. Mais pour moi, c'est un événement qui a lieu année après année. Donc, je voulais plutôt revenir justement sur un événement féminin. Avec la Coupe du Monde de football féminin qui aura lieu en France, avec la phase finale qui sera à partir du mois de juin. Quatre matchs à Montpellier. Et dont plusieurs matchs auront un huitième de finale. Ouais. Dont un huitième de finale. Et où, en plus, au vu des dernières performances de l'équipe de France féminine, il y a de bons espoirs, je pense, pour réaliser quelque chose. En tout cas, on l'espère. Je suis optimiste. Elle s'arrête souvent à peu près au même stade de la compétition. Mais voilà, moi, j'espère aussi qu'en plus, cette compétition étant jouée en France, il y aura un engouement particulier et qu'elles vont être capables de réaliser même quelque chose qu'on n'imaginerait pas forcément, un petit peu à l'image de l'équipe de France U20 de rugby l'année dernière. que moi personnellement je voyais pas vainqueur de la compétition et qui allait la chercher, donc tout est possible. On a et des bons matchs, justement, on parle pas toujours ouais. des. On aura l'Australie, Brésil. Féminine, là, voilà, ouais. là, on a quelque on a chose l'Allemagne de, aussi. De vraiment ça intéressant va. Et avec des belles équipes, ouais, comme vous dites. Personne ne s'est prononcé sur la nouvelle formule de la Coupe Davis. C'est parce que c'est une nouvelle formule ou. Non, c'est parce que c'est plus la Coupe Davis. Ouais. C'est une Lever Cup 2.0. Ouais. Donc, on attend de la voir, on attend de voir ce que ça va donner, parce que ça, je pense que ça va quand même être spectaculaire avec surtout des joueurs. Peut-être attendre 2020 avec la Coupe de l'ATP plutôt, qui remplacera l'Open. Qui remplacera techniquement la Coupe Davis. Là, c'est vraiment. À la Coupe Davis, oui. Ouais. Mais l'Open aussi, je crois que c'était sa dernière édition. Oui, qui englobera en fait la Mad Cup pour faire un peu une Coupe du Monde voilà, des pays. Donc, Du coup, il a joué en Australie Non, ça serait tourné. Non. C'était la dernière édition. D'accord. Puisque ça se jouera pendant cette période-là. On a encore été bon d'ailleurs à l'Open Cup. Oh là, mais c'est franchement, on réagira pas dessus. Non, va mieux pas. Ouais. Donc, ce que je comprends bien, Coupe du Monde féminine de foot, Coupe du Monde de rugby notamment, et peut-être un petit point sur le championnat du monde d'athlétisme qui ravirait Guillaume. Ouais, mais voilà. Non, mais Guillaume a raison, parce qu'il y a plein de bonnes choses qui peuvent être. Peut-être la Ligue des Champions, tu as dit aussi un petit peu. Ouais, et surtout qu'il y a beaucoup de Français qui peuvent figurer à un an des JO. Mm. Je crois que Teddy Tango en plus sera là sur le championnat du monde. Donc il y aura plusieurs choses à voir sur ce championnat, donc ça va être intéressant. Et juste un mot pour finir, félicitations aux États-Unis pour leur titre de champion du monde de basket. Oui. Voilà, je dois la chercher au plus profond. Et à l'équipe de France pour son certainement dernier carré mondial. Championnat du monde de handball qui commence. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du hand non plus. Oui, c'est parce que en termes d'attente, j'ai envie de dire, on est tellement habitué aux choses en qu'ils font depuis des années. Peut-être la compétition. Oui, on dit toujours ça, mais on n'est pas à l'abri. Oui, mais oui, je sais pas. En France, on occupe de tout. Et derrière ça, moi, je serais quand même intéressé, derrière la blague, Guillaume, par les championnats du monde de basket, justement. Je voyais que tu l'avais mis dans la liste et j'allais dire, tiens, vous en avez pas parlé. Pour moi, ça comportera son intérêt, même si les États-Unis semblent au-dessus du soleil. C'est où cette année? En Chine, oui. J'allais dire Doha, mais ça, c'est l'athlétisme. Deuxième petite question, donc ce que j'appelle la question bidon. c'est généralement chez un ancien rugbyman qui la pose chez nos confrères de RMC Sport. Généralement, il pose cette question. Dans quel sport un Français a-t-il le plus de chances, un Français ou une Française, de gagner cette année entre un Tour de France, un Grand Chelem de tennis, un GP de Formule 1 et la Coupe du Monde de rugby, donc pour cette année 2019? Et bien déjà, elle pique cette question. Je pense que la réponse, elle paraît assez logique. Elle paraît assez logique. Ouais. Un Grand Chelem de tennis, je suis désolé. Pourquoi pas Manarino? Un double mixte, non? Non, c'est vrai qu'un grand chelem de tennis, j'ai oublié de le préciser, mais en simple évidemment. Non, et puis Camol qui soulève la Ellis Cup. Voilà, c'est ça. Alors qui serait selon vous donc le plus probable? Non, je pense que le GP de Formule 1. Non, moi je pense que c'est le cyclisme, on est plus proche. Ah ouais. Ah mais tu vois, nous ne sommes pas forcément d'accord. Non, au Grand Prix. Vous êtes pensé au Grand Prix parce que. Qui c'est que vous voyez en Grand Prix? Après, je ne trouverais pas ça si prestigieux, mais Charles Leclerc. Attention, Charles Leclerc. Il n'est pas français. Parce qu'il est monégasque. Oui, il est monégasque, effectivement. Ouais. Eh ben, ou sinon, Pierre Gasly, éventuellement. Parce que Pierre Gasly part chez Ferrari. Red Bull. Gagne moins de Grand Prix, bien sûr, que Mercedes ou Ferrari. C'est Leclerc qui est chez Ferrari, c'est ça, ok. Mais cette année encore, Verstappen et Ricciardo, oui, aussi, a gagné un Grand Prix. Avec des aléas de course, ils peuvent gagner un Grand Prix. Donc, c'est possible, voilà. Pour moi, le Tour de France, bien sûr, que c'est quelque chose que j'espère, mais ça me semble moins probable, tu vois. Si je devais mettre un pourcentage de chance, je le verrais plus faible, parce que j'ai l'impression qu'on stagne un petit peu au classement général. Ouais. Ça n'empêchera pas qu'on fasse des perfs intéressantes, voilà, à voir justement Thibaut Pinot qui revient sur le tour. Tu penses au Tour de France, il y a qui exactement? Romain Bardet qui... Pour moi, Romain Bardet évidemment est la chance numéro 1. Thibaut Pinot se concentrera essentiellement là-dessus. Ah oui, c'est vrai, il est soit chaque année, ouais. Pinot sur le Tour de France. Là, j'espère qu'il a 28 ans. À un moment donné, il a l'âge parfait pour. Il est dans ses meilleures années dans le vélo. Donc, s'il n'est pas capable maintenant de briller sur le Tour de France, il pourra plus le faire. Puis sa fin de saison est un bel espoir. Voilà, exactement. Il a montré cette année quand même. Il a fait 2 victoires sur la Volta, sur le Giro avant son coup de moins bien où il abandonne limite à la fin. Il abandonne même. Mmh. Oui, bien sûr. Dernière étape. Intéressante. Il gagne le Tour de Lombardie. Donc il peut laisser espérer quelque chose d'intéressant pour le Tour de France. Mais c'est vrai que quand j'y pense, on parle de gagner le Tour de France. Et la Sky sera encore là cette année. avec ses deux chefs de file. Avec ses deux chefs de file. Donc, dernière année, la Sky, ou encore deux ans? Non, dernière année. Dernière année. Dernière année, mais on sait pas qui va reprendre. Enfin. Yacine, pour toi, ça serait plus GP ou plus Tour de France? Plus GP, ou autre chose, plus GP, parce que pour le Tour de France, rigueur, évidemment, dénicher des classiques, je pense que c'est largement dans les cordes d'un Alaphilippe, par exemple. Hein. Ouais. Mais alors, le grand chelem de tennis, j'y crois absolument pas, hélas. Même chez une femme, par exemple, une Caroline Garcia Bartoli qui gagne 2013, un US Open ou quelque chose du genre. Si t'as un concours de circonstances comme Bartoli qui n'a pas gagné une fille du top 20 et qui se retrouve en finale et qui joue contre la 27e mondiale, non, c'est pas un truc comme ça. Ouais. C'est quoi son meilleur résultat de Caro Garcia Sécar en grand chelem? Ouais, ou, ouais, je crois que c'est ça. Oui, après, dans le tennis féminin, tu vois, il y a une année, il y a deux ans, à l'US Open, la finale c'est Penetta Vinci, quoi, bon. Non, c'est pour ça. Un jour, non, c'est pour j'espère ça que ce sera une Française qui sera à leur place, quoi. On va dire qu'au niveau féminin, je pense plus qu'une femme puisse gagner un grand chelem qu'une femme gagne une compétition qui compte en cyclisme. On n'a pas évoqué aussi, peut-être, je ne sais pas si vous êtes spécialiste de ça, mais les féminines en Tour de France, parce qu'il y a un Tour de France aussi chez les féminines. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des prétendantes à la victoire finale, mais. C'est les Hollandaises qui. Ouais, il faut regarder du côté des Hollandaises. Ouais. D'accord. Elles sont parties pour 15 ans. Là. Ok, donc on se résume plutôt entre ces deux-là. Donc le Tour de France et le GP de Formule 1. Tech Game, t'avais différence entre les deux. Le foot, peut-être. Comme je l'ai dit, ouais, mais elles sont plus favorites que ce serait une belle perf, plus mais logique, pas un exploit, par rapport à ce qui est précisé dans le. La Coupe du Monde de rugby reste un exploit pour les Français, je pense. Ah oui, cette année, vu la situation, oui. Ça serait un miracle, absolument. Ouais, moi je pense plutôt, ce serait un exploit. Comme en 2011. Hein. Les Français au Tour de France, moi j'ai envie d'y croire cette année. Le parcours, chaque année on dit le parcours est taillé pour les Français, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et chaque année, ils déçoivent pas, mais ils stagnent. Bientôt on va plus savoir quoi faire. Quoi. Voilà, de ce côté-là. On va devoir disqualifier des Anglais, quoi. Ouais. On les citera pas. Oh, l'histoire le fera. Et on en parlera tout à l'heure dans l'émission de page. tu vois le pont là. Sans transition. Ouais. Et oui, un grand chelem de tennis, je vois bien Pierre Gerber. Non. Non. Jocelyn Wadap, tu sais, même les blagues en tennis, elles passent plus, tu vois. C'est terrible. J'ai discuté avec un ami à moi qui dit que le meilleur français cette année en 2019 sera Pierre Gerber en simple. En même temps, il a une belle marge de progression, il est pas mauvais. Quel âge il a? Il a 25, il doit taper les 25 maintenant. Mais c'est juste que ça? Ouais. D'accord. Nadal avait gagné à quel âge Roland Garros? 18. Voilà. Non, c'est quand même. Il y a un Gaston qui va arriver peut-être un jour. Ouais. On espère avoir des jeunes. Donc le grand chelem, peut-être Caro Garcia, on l'espère, avec un bon concours de circonstances. Et même sans concours de circonstances, elle a un talent reconnu, et elle peut gagner un grand chelem par elle-même, sans l'aide des autres. Un grand prix de Formule 1, oui, avec Pierre Gasly, si Vettel et Lewis Hamilton s'accrochent, un grand prix sous la pluie, on peut y croire. Et puis il faudra voir aussi la performance de la Red Bull. Ouais, de base, quoi, sans circonstances également techniques. Et la Coupe du Monde de rugby, bon, j'en parle même pas, ce serait bien d'arriver en quart. Ouais, qualifions-nous. Ouais, voilà. Ouais. Et sinon, oui, la Coupe du Monde féminine de football, voilà, ce serait une très bonne performance, mais je pense pas que ce serait un exploit. D'accord. Ok, pour ça, on se partage au niveau de ça, au niveau des Grands Prix de Formule 1 et peut-être du Tour de France. On va passer à notre deuxième chronique, c'est... Oui, pardon. Il y a quand même de très fortes chances qu'à la fin de l'année, on soit à zéro. C'est possible aussi. Merci de finir sur cette conclusion joyeuse. Sur 2019, j'espère que justement, on va avoir quand même des émotions et des exploits, quelque chose qu'on n'attendra pas. Quoi. Pas gagné. On n'aura pas que les grands sportifs français attendus. On va dire que le plus vraisemblable... Richard 2019. Le plus imaginable au jour d'aujourd'hui, c'est une victoire de l'équipe de France féminine. Au football. Ouais, c'est ça. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais bon. Bon, c'est ça sera compliqué, bagage. Peinture au champion du monde devant Hirscher, ça aussi. C'est... Allez, oui, on passe à notre deuxième chronique parce que là, je sens que les esprits s'échauffent. On passe à nos sports montpellierains. Sport and Chill, le sport montpellierain. On va faire un petit point sur quatre clubs, j'en ai parlé avant, donc le MHSC, le MHB, le MHR ainsi que le BLMA. On va commencer avec le MHSC, avec cette question. Donc Guillaume, une saison sans qualification européenne serait-elle un échec? Merci Guillaume. On passe au MHB. Alors avec ce qui s'est passé hier, j'ai envie de te dire oui, parce que maintenant on n'a plus que ça à jouer. Il reste, pour Montpellier, il reste 21 matchs. On est quatrième, il y a il n'y a pas de, de grosse concurrence cette année. Il y a des équipes comme, comme Marseille qui sont au fond du trou. T'as peut-être Saint-Etienne. Marseille est encore au niveau, hein, on sait jamais. Oui, hein. Mais je vois pas finir déjà devant nous, ça va être limite, mais alors avec 10 points d'avance, c'est encore moins. Monaco, pour revenir à Monaco. Donc on va se battre avec des équipes comme Saint-Etienne, comme Rennes peut-être, comme Bordeaux. Donc je pense qu'on a notre épingle à tirer. Donc ce serait plus en championnat. Bah déjà, ouais, c'est championnat, voilà. Il ne reste plus que ça. Non. C'est ça. Mais alors moi, j'ai dans les deux coupes. Quand tu m'as envoyé le conducteur, je me suis dit bon, il faut faire un bon parcours en coupe. Je vais miser sur ça. Bon, c'est râpé. Surtout plus que râpé. Voilà. Il avait toutes ses fiches là-dessus. Du coup, j'ai tout fait. T'as vu, j'ai rien là. Donc ouais, ce serait un échec. Après, le club n'est pas programmé encore pour ça. J'ai l'impression. C'est-à-dire que dans l'instant présent, faire une saison sans Coupe d'Europe à la fin. Bah, ce serait une déception parce que c'est une belle saison, mais est-ce que ce serait une bonne chose pour l'année prochaine? Parce qu'on regarde cette année, il n'y a pas de banc. Enfin, il y a un meilleur banc que l'année prochaine, mais l'année dernière, mais il y a très peu de profondeur. Donc est-ce que ce serait une bonne chose de jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine? Je sais pas. En tant que supporter, évidemment, on a envie de la jouer, mais pour le bien du club, je sais pas. Après, je voulais parler aussi des échecs en Coupe nationale, qui sont les deux moyens les plus rapides pour y aller. Et là, je trouve que pas une faute professionnelle, mais parce qu'hier on fait samedi, on fait un bon match, On en a une quand même. Oui, mais c'est pas le match où t'es laminé par l'équipe amateur en fait. C'est un concours de circonstances. Il marque à la 93e, on aurait peut-être perdu au tir au but, mais bon, c'est. Après, on a aligné globalement. C'est pas bien, mais voilà. Ah, tu peux pas trouver une excuse là. Je suis désolé. Non, y a pas d'excuse, mais c'est pas comme Marseille qui se fait laminer quoi. Ouais. C'est sûr, comme ça. Mais voilà, je voulais. Marseille ou Nîmes. Bizarre. Quand on est supporter d'une équipe comme Montpellier, on a. Bon, cette année c'est pas mal en championnat, mais très souvent c'est moyen. On a que les coupes nationales pour s'enjailler un peu. Cette année on est éliminé au premier tour, dès notre entrée en lice dans les deux coupes. Je voulais rebondir sur un truc, c'est tu dis moyen le plus rapide pour l'atteindre. Dernièrement c'est plus très vrai quoi. Sachant que le PSG remporte systématiquement la compétition. C'est vrai. Il n'y a plus vraiment de place à prendre de ce côté là. T'as raison. Tu fais une finale de Coupe de France. Je m'en satisfais pas pour autant, hein, mais c'est voilà, mais au moins avoir un. Là ça sort un peu du sujet, mais au moins avoir quelque chose pour égayer ta saison quoi. L'année dernière on fait demi-finale. De Coupe de la Ligue, on perd à Monaco. On fait 8e en Coupe de France contre Lyon. On a une première partie de saison qui est alléchante. On a vibré. On a même pas eu le temps de vous voir sur France Télé. tous les 3 jours, on était à la Mosson. L'année dernière, je me rappelle, c'était bien quoi. Et là, cette année, ça va être creux. En fait, j'ai peur qu'il y ait eu ce faux rythme qui a été installé parce que deux matchs ont été annulés, Nantes et le PSG. D'ailleurs, il y a Montpellier-Nantes demain, à Nantes. Et j'ai peur que ces deux matchs-là, alors que t'es sur une bonne dynamique, te cassent le rythme en milieu de saison et du coup t'as du mal à t'en remettre. Ça, je pense que ça n'a pas été bon, mais après il y a 15 clubs je crois qui ont joué 18 matchs au moins. Il n'y en a que 4 qui ont joué leurs 19 matchs. Mais ça désavantage plus les équipes en forme plutôt que les équipes qui font pas. Évidemment. C'est une dynamique qui se casse. Ouais. On l'a vu contre Lyon en deuxième mi-temps, physiquement on était cuit. Et donc est-ce que ce serait un échec? En tout cas, ce serait la pire des choses, ce serait de terminer 6e. Si, partant du postulat que Paris va gagner les deux coupes, ce serait de finir 6e et de commencer comme cette année l'a fait Bordeaux au mois de juillet. Puis c'était ça, pas européen, absolument éviter, autant finir 7e. Ok, ça marche. Deuxième club, le MHB. Le MHB qui semble foutu, entre guillemets, en championnat, tout comme en Champions League. Est-ce que deux coupes nationales pourraient sauver la saison? Oui, encore faudrait-il venir les chercher, en sachant que on est en coup de ligue, on est en demi-finale, mais ça sera face à Paris. Alors, je pense que ça se jouera à Montpellier. On a les moyens de gagner. Une victoire en Coupe de la Ligue plus une victoire en Coupe de France, où là on va jouer à Istres, donc on doit se qualifier pour les quarts de finale, serait un résultat satisfaisant sur la saison, mais qui serait pas. Pour moi, en tout cas, qu'il ne laisserait pas le sentiment d'une saison réussie. Je persiste à penser que la phase de poule de Ligue des Champions n'était pas forcément scandaleuse, mais était quand même à la limite du dilettantisme, parce que quand tu finis derrière, pour le moment, Kristianstad et Mechkov-Brest, je veux bien que la saison exceptionnelle du MHB l'an dernier te laisse 2-3 mois où tu décompresses, où tu perds un peu tes repères et où tu es encore euphorique, mais finir derrière ces deux clubs, il reste encore 4 journées, mais ça sera que des gros qu'on va enchaîner, dont le Barça. Voilà, ça ne sauvera pas forcément la face malgré une victoire dans les deux groupes nationales. Non, pas du tout. Quand on est le MHB, c'est même pas une consolante. Voilà, je veux dire, on a l'habitude de le faire, même lorsque Montpellier était un peu au creux de la vague après les affaires des paris, etc. On a eu une saison où on a fait aussi le doublé en coupe. C'était quasiment une routine pour Montpellier, même lorsque Paris était fort à ce moment-là. Et puis au-delà de ça, ce qui fait tâche, c'est aussi le comportement de nos joueurs en championnat, parce qu'on est déjà largué, comme tu le dis, alors qu'on est à la mi-saison. J'en prends encore une fois pour exemple le relâchement total face à Paris. Alors évidemment, Paris qui est meilleur que nous cette année, mais perd de cette manière-là. J'ai connu un match B qui perdait avec beaucoup plus de panache et avec un score beaucoup plus étriqué face à Paris les saisons précédentes. Donc voilà, une saison, on verrait Montpellier gagner les deux coupes. Saison, là, du coup. Ouais, pour l'instant, ça s'annoncera compliqué, oui. Déjà raté. Et ben, on n'est pas en train de vendre du rêve pour 2019. Après, ça souligne encore les difficultés de cette année, souligne encore que l'année dernière, c'était une saison exceptionnelle. Puis, il faut s'en rendre compte dans l'analyse. Quoi. Et puis, au-delà même du résultat sportif, il y a aussi, paraît-il, des problèmes en interne entre l'entraîneur et entre Guigou. Et je pense aussi que remplacer quelqu'un comme Ludovic Fabregas est très compliqué. On voit bien que son remplaçant Peterson a du mal à tenir le rang. Je pense que ça reprendra du temps. Je fais confiance à Montpellier pour faire émerger encore des jeunes et pour réussir sa politique de recrutement. Mais partons du principe que cette année puisse servir de transition. Je pense que l'an prochain, ça ira mieux. Mais essayez au moins de soulever des coupes de national, ce serait déjà... L'année dernière, on a mangé du caviar. Cette année, on mange du Whiskas. Pas du caviar. Non. Du Whiskas. Si tu fais un doublé en coupe, ça ne sauvera pas la saison, mais ça sera mieux. On passe au MHR. Là non plus, moi, je sais pas si on va vous vendre du rêve, mais avec cette question principale, on a vu ces dernières années donc le MHR était bien classé en saison régulière pour au final échouer en phase finale. Là, ça me semble être l'inverse, voire pire, une saison régulière très moyenne. Est-ce que du coup, les phases finales seront très bonnes si on y arrive? Déjà, il faut y arriver. On est 9e au samedi. 9e au classement. On a 8 points de retard sur le 6e premier qualifiable. Donc en soi, mathématiquement, c'est pas impossible. Le problème, c'est qu'on est à 4 défaites à domicile. Ça fait un moment que c'est pas arrivé à Montpellier. Et quand on voit la qualité de jeu proposée par Montpellier, on a de quoi s'inquiéter. Comme tu dis, Romain, tu t'es éclaté samedi. Évidemment, ironiquement, parce qu'on a l'impression qu'il y a un sentiment d'impuissance. Le talent, tu l'as, les joueurs, tu les as, mais il manque un supplément d'âme, il manque, je sais pas, une envie, il n'y a pas un leader qui va emmener tout le monde avec lui pour remonter ses troupes. Donc malheureusement, je le crains, même si d'habitude je suis optimiste, je me dis que c'est une mauvaise passe, etc. Montpellier peut sauver sa saison que s'il se qualifie pour les quarts de finale de Champions Cup, ce qui serait déjà un exploit. Et on aurait déjà eu un premier élément de réponse samedi contre Newcastle. Donc malheureusement, j'ai peur que pour Montpellier cette année ce soit compliqué. C'est pas encore fini, sait-on jamais. On peut avoir un sursaut d'orgueil, s'énerver, sauf que quand on voit les déplacements qu'on a, on a Racing, on a Clermont, on a La Rochelle. T'as pas le calendrier. Donc on n'a pas un calendrier adéquat, parce qu'on a déjà fait Agen, on a déjà fait Grenoble, on a déjà fait Perpignan, on a perdu à Grenoble, défaite qui nous a fait très mal aussi. Donc malheureusement, pour Montpellier, cette année en top 14, ça s'annonce compliqué. Mais, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Si on veut être optimiste, on peut y croire, mais il faut rester réaliste et ça va être compliqué cette année pour Montpellier. Très bien, et dernier mini débat là, celui-là il va peut-être vous ravir un peu plus. Et comme quoi, les féminines à Montpellier, à l'image de ce match d'hier d'ailleurs, magnifique. Aussi à l'image de ce match hier où elles se sont imposées, donc le bel MA, je le rappelle, à Bourges, donc c'est pas n'importe qui dans le basket féminin. Romain, avec ce recrutement XXL en début de saison pour le bel MA, qu'est-on en droit d'attendre cette année? Eh ben, on va enfin vendre un peu de rêve, le titre. Le titre, surtout après ce que l'on a vu hier, c'était pas simplement une victoire contre Bourges. Je dis pas qu'on va nécessairement le faire. Il faut que les joueuses montpelliéraines restent concentrées sur l'ensemble de la saison. Maintenant, elles ont montré vraiment jusqu'où elles étaient capables d'élever leur niveau de jeu. Et Bourges ne se fera peut-être pas avoir de la même manière. Je sais que leur entraîneur était très amer après la rencontre sur la manière aussi à trouver que les filles et que lui-même aussi en tant qu'entraîneur et en prenait la responsabilité était passé à côté de leur sujet. Mais au vu du recrutement, comme tu le notais, dont on avait parlé au printemps dernier, assez impressionnant, hein, avec plusieurs internationales, dont Elena Siak, qui a été encore vraiment prépondérante dans la victoire de Montpellier à Bourges. Et d'ailleurs plusieurs joueuses qui sont passées par le Tango, qui jouent maintenant à Montpellier. Également deux Américaines qui ont signé, qui viennent directement de la WNBA. On a une équipe taillée pour aller très loin, qui a vécu un moment difficile au mois de novembre. On en avait parlé avec l'éviction de surprise, on peut le dire, de son coach, Rachid Méziane. C'est son adjoint qui a pris le relais, pour le moment qu'il fait de fort belle manière. Et les Montpellierennes, donc l'équipe du BLMA est première du championnat après sa victoire contre Bourges avec 9 victoires, seulement 2 défaites. On est très très loin de la saison fantomatique de la saison dernière. Comme quoi, pour les clubs montpelliérains, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Le MHB, le MHR étaient en haut de l'affiche, c'est plus le cas cette saison. Le BLMA fait le chemin inverse, et tant mieux pour les féminines de Montpellier qui, pour moi, effectivement, finalement, sont l'équipe à suivre à Montpellier cette saison et qui peuvent réaliser peut-être un des grands exploits, un des grands moments de l'équipe de Montpellier LAT au vu de l'effectif, des performances actuelles. Et puis je pense qu'en plus il y a une marge de progression, l'effectif tourne bien et hier c'est pas une petite victoire, hein. Je rappelle juste le score pour terminer là-dessus, 89-65 contre Bourges, qui est normalement l'épouvantail du championnat français de basket, qui remporte haut la main la plupart de ses matchs saison après saison. Leur mettre un tel résultat, c'était quelque chose de vraiment fort. Après, voilà, faudra voir justement en play-off ce que ça donnera. C'est le cas dans ces différents sports. On sait que le MHR, la saison dernière, était premier du championnat et n'a pas été en mesure d'aller chercher le titre. Ben, on ne souhaite pas telle mésaventure au BLMA, mais je pense que les filles ont vraiment les moyens d'aller chercher le titre. Compris la Coupe d'Europe, la petite Coupe d'Europe, où les Montpellierennes sont encore en lice. Elles ont fini, je crois qu'elles sont encore premières de leur groupe. Mmh. Je ne sais pas si la phase de poule est déjà terminée, mais il y a quelque chose à aller chercher éventuellement. Oui, aussi. Je restais sur la scène nationale, merci, mais tu as raison, Yassi. Merci pour ces points. Donc, sur les quatre clubs montpelliérains, évidemment, on parlera d'autres les semaines qui suivent. On va parler du water polo, des Vipers, du MHSC féminin. Il y a encore plein de clubs dont on parlera les prochaines semaines. Du MRC aussi. On va passer à notre première pause musicale avant d'entamer le moment fort de notre émission avec le dossier dopage et sport. On passe donc première pause musicale, c'est Aurel San avec le titre La pluie. Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau. Je viens de la terre du milieu, où y'a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place, une lumière claire dans le monospace. Je freestyle et dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau, chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi y'a du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau. fait beau, il fait beau, il fait beau. Mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Toujours autant de pluie chez moi. Orelsan avec Stromae d'ailleurs sur le titre La Pluie. On passe tout de suite, sans plus tarder, au jingle interview. Sport & Chill, l'interview. L'interview chill. Et nous recevons ce soir deux invités pour parler du dossier dopage et sport. On en avait parlé l'année dernière entre nous, mais bon, on n'est pas des spécialistes. Hein. Là, on a fait affaire à des vrais pros. Fabrice Dubois, conseiller interrégional antidopage, donc CIRAD, placé auprès de la DRJSCS. Chaque fois, j'écorche, mais là, ça va. Occitanie, évidemment. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Et Julie Jean, psychologue du sport, que nous avions notamment reçu les dernières pour l'émission Psychologie du sport. Vous avez notamment écrit, on a parlé les dernières d'ailleurs, des mémentos du sport pour le Krebs Montpellier, et notamment ancienne animatrice du numéro vert Écoute Dopage. Bonsoir, merci de nous recevoir. Merci à vous. On va commencer, on va bien parler ce soir. On va commencer avec le dopage, un peu dans sa définition un peu générale, ses causes, ses conséquences, etc. On va ensuite poursuivre avec la lutte anti-dopage et sa prévention, et finir sur des cas pratiques un peu éclectiques, et conclusion sur l'avenir du dopage, évidemment, dans le monde, et dans le monde du sport. Pour commencer cette première question, je suis un petit peu moins intéressant pour commencer. Le mot dopage apparaît dans la langue française pour la première fois en 1903, d'origine néerlandaise. Donc dop signifie donc une boisson alcoolisée à base de peau de raisin que les guerriers zoulous consommaient pour augmenter leur prouesse au combat. Son utilisation du début du XXe siècle faisait référence au dopage illicite des chevaux de course. Voilà. Ma question, est-ce que la définition du dopage dans le sport et en dehors du sport, donc c'est-à-dire pour les sportifs et les non-sportifs, Et la même ou pas? Sur la définition, c'est une question assez large. Donc c'est bien de commencer par ça. Ça va poser justement toute la complexité du phénomène. Parce qu'on utilise un mot, le dopage, pour un phénomène qui est très large et qui recoupe des pratiques, des produits, des situations qui n'ont rien à voir absolument les unes avec les autres. Donc le dopage, c'est d'abord une définition qui est réglementaire. Et ça consiste pour les sportifs à l'interdiction de consommer certains produits. Et ça, c'est la définition légale, strictement. Mmh. Et donc, elle ne concerne que les sportifs. Oui. Puisque ça touche à la dimension de la triche par rapport à l'égalité des chances dans les compétitions. Donc ça, ça ne me concerne pas moi, par exemple, ni vous. Pendant que je suis en train de faire cette interview, si j'ai pris un peu de café avant, ça laisse personne. Oui. Non, ça... Voilà. Par contre, dans le sport, ça pose le problème d'égalité des chances. Donc ça, c'est la définition réglementaire, et c'est celle qui touche strictement les sportifs. J'ai oublié de présenter surtout un peu les professions. Je suis allé un petit peu trop vite. Hein. C'est pas normal ce soir-là. C'est le stress. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos organismes, entre guillemets, si on peut appeler ça organisme, peut-être à l'époque Écoute Dopage et peut-être le CIRAD, du coup, ainsi que votre rôle actuel dans le monde du dopage. Oui, bien sûr. Moi, je suis donc CIRAD à la Direction régionale Jeunesse et Sport. Pour faire simple, pour faire un peu court, je suis professeur de sport et donc je suis en charge de ce dossier en Occitanie depuis 3 ans. Voilà. Hein, avant, j'occupais ces mêmes missions sur un autre territoire. Et donc la fonction consiste à deux missions principales, hein, qui est d'organiser les contrôles antidopage pour le compte de l'Agence française de lutte contre le dopage, d'animer le réseau des préleveurs. La FLLD. Voilà, tout à fait. ce soir. AFLD, Agence française de lutte contre le dopage. Et puis la deuxième fonction tout aussi importante, c'est de lutter contre les trafics au sens large, tous les trafics de produits dopants, donc qui concernent à la fois les sportifs et aussi les non sportifs. D'accord. Et pour écoute dopage ? Oui, alors du coup, écoute dopage ou dans les, mes autres missions, le, l'axe c'est la prévention en fait du dopage. Donc intervenir soit auprès des sportifs, soit auprès de ceux qui les encadrent, parce que c'est aussi un public très important, sur la question de la prévention de ces conduites-là, qui bon, sont des conduites interdites, sont aussi des conduites à risque, etc. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, le dopage, évidemment, on pense premièrement aux sportifs, mais c'est surtout aussi un monde non sportif ou sportif amateur qui est étroitement lié avec ça. Donc. Au mois de novembre, on avait reçu des spécialistes de la diététique du sport. Et nous nous sommes donc concentrés sur la thématique de la prise de masse et donc de ses limites également. Ma première question aussi sera de savoir quel est le public le plus étroit avec justement avec le monde du dopage. On pense premièrement aux bodybuilders, ceux qui traitent avec la musculature, qui sont. Est-ce que c'est aujourd'hui le public le plus étroit avec le monde du dopage ? Oui, je pense qu'on peut le dire sans stigmatiser outre mesure, c'est une réalité. Oui, c'est vrai. Et c'est aussi un mode de contact pour le sport aussi. Hein. Puisque quand on fait du sport, on fait aussi de la préparation physique. Donc c'est aussi une zone de perméabilité pour les sportifs plus professionnels, plus classiques, on va dire. C'est pas un domaine en soi, en effet, justement, dans tous les sports, on doit faire de la musculation. Et plus généralement, le public concerné par le dopage, on parle évidemment aussi des sportifs de haut niveau, mais c'est également le cas d'individus non professionnels, voire même de sportifs, de non sportifs qui se dopent. Est-ce que, justement, la proportion des sportifs amateurs est beaucoup plus grande tout de même que les sportifs de haut niveau ou pas du tout ? Ils se dopent de la même manière ou... Ils se dopent pas pareil, ça c'est sûr. C'est, ne serait-ce que pour des raisons de moyens. Enfin, oui. Moyens pas que financiers, enfin, d'encadrement technique. D'accord. C'est vrai que c'est financièrement aussi, mais même... Oui, mais il y a du dopage de pointe dans le sport de haut niveau, c'est encore autre chose. Puis il n'y a peut-être pas le même enjeu de non-détection, justement, aussi aux moyens du sport amateur. En effet. Bien sûr. Et puis de produits éventuellement interdits, on y reviendra. On va continuer avec la définition, j'en étais à là juste avant. La cause, justement, une question très large encore une fois, mais pourquoi se dope-t-on ? Parce que c'est l'incitation à la performance, répondent donc dans certains auteurs. Romain, peut-être tu voulais nous en parler. Jean-François Bourg et donc Jean-Jacques Gouguet. Oui, c'est un livre que j'ai lu, auquel je ferai référence de temps en temps, mais qui a fait aussi polémique parce qu'ils sont allés assez loin sur leur théorisation du dopage et qui voit effectivement un lien qu'il y aurait entre donc le dopage et donc l'idée de l'incitation à la performance et se dire que finalement ce serait quelque chose d'inhérent à la pratique sportive que de se doper. Et effectivement, là où au moins je peux les rejoindre, je sais pas quelle est votre réaction, c'est qu'effectivement on peut penser en tout cas au dopage dans son histoire et voir que le dopage c'est aussi vieux que le sport. Ah oui, ça c'est sûr. mais au-delà de ça, je pense qu'il y a de nombreuses raisons peut-être qu'on peut mettre en avant qui sont parfois spécifiques à certaines disciplines. Des fois moins, ou en tout cas à certaines catégories de disciplines, je dirais les sports d'endurance, les sports peut-être plutôt portés sur l'esthétique, on a parlé du bodybuilding, mais quelles sont pour vous les raisons principales que vous voyez chez le sportif qui amènerait à se doper ? Moi je vais vous faire plutôt le paysage global. Fabrice, tu pourras peut-être plus rentrer dans certaines choses. Oui, bien sûr. On revient à ce que je disais au début, dopage c'est plein de pratiques différentes. Donc, c'est plein de causes différentes. Aussi. Ouais. Voilà. Et par exemple, la question de la performance, elle ne suffit pas à justifier de se doper. Il y a énormément de grands performeurs qui adorent leur performance, la performance, mais ça ne leur viendrait jamais à l'idée. Et puis même, c'est contre nature pour eux. Parce que justement, la performance, c'est eux, tout seuls, sans produit. C'est là qu'elle est la performance. Donc, ce n'est pas un lien strict. On peut pas dire ça comme ça. Et on voit des gens qui se dopent dans le milieu amateur pour des performances qui relèvent de la course du dimanche. Enfin bon, c'est pas... Donc voilà, il n'y a pas... Oui, ça peut, mais pour d'autres gens, c'est plein d'autres choses. plein d'autres causes. Justement, est-ce qu'il y a une différence peut-être entre le dopage et la conduite dopante? Est-ce que c'est justement le public qui est pas le même? Ou justement la conduite dopante, c'est peut-être quelqu'un qui a une addiction envers le dopage? C'est encore... Oula, on rentre dans des choses peut-être extrêmement pointues à force. Ce soir, des spécialistes nous écoutent. Okay, bon, on y va sur la conduite dopante. La conduite dopante, c'était vraiment l'exemple du café de tout à l'heure. C'est, d'accord. J'ai besoin de prendre quelque chose pour avoir plus de ressources pour faire face à un obstacle. C'est ça la définition stricte. Donc ça concerne tout le monde. On y est tous confrontés. Il n'est pas du tout sûr que certains sportifs, je ne citerai pas de nom, mais dont on connaît bien les pratiques, parce qu'il y a eu des gros procès avec des grands dossiers par la suite. On les citera tout à l'heure, pas de soucis. Et étaient dans cette logique-là. Eux, ils étaient dans une logique technique. Je veux gagner cette compétition. Qu'est-ce que je fais pour la gagner? C'est pas que je ne me sens pas capable de la gagner. C'est juste que je sais que si je fais ça, si je prends ça, si je fais comme ça, je vais la gagner. Mmh. Et ça, donc, ce n'est pas une conduite dopante du tout pour eux. Hein. Conduite dopante, est-ce que ça peut être inconscient, justement? Ah oui, bien sûr. La définition, c'est ça, c'est prendre une substance pour surmonter un obstacle qu'on ne se sent pas capable de surmonter. Ça, c'est la définition presque stricte. D'accord. Chez le sportif, comment on peut diagnostiquer donc, une conduite dopante, justement? Est-ce qu'on... Si on est sur la conduite, du coup, oui. Ça va être lié au rapport qu'il a à sa performance. Est-ce qu'il se sent capable ou pas capable? Par exemple, au numéro vert, on avait beaucoup de gens qui passaient à la consommation à un moment où ils avaient un doute. Mmh. Hein, ils changent d'entraîneur, ils changent de niveau, ils montent de niveau. Et là, le doute s'installe. Et la solution, ça peut être le produit à ce moment-là. Ça vient... D'accord. Aider, c'est dans la majeure partie des cas, c'est souvent. C'est, disons souvent que c'est, ce cas de figure est récurrent. Est récurrent, mais on ne peut pas dire la majeure partie des cas, ce serait trop grossier. Est-ce qu'il y a différentes. Donc, on le sait, il y a différentes méthodes pour se doper. Est-ce que. On va dire ça grossièrement, mais est-ce qu'il y a une méthode plus dangereuse que les autres? On pense notamment à l'intraveineuse en premier lieu. Est-ce que c'est l'intraveineuse qui est peut-être plus dangereuse ou toutes les. Tous les dopages sont dangereux. Oui, à partir du moment où on utilise des seringues, où on stocke du sang, par exemple, donc il y a des conditions de stockage qui peuvent être... les températures peuvent varier, donc ça peut induire de graves accidents. Ouais. C'est vraiment l'utilisation de piqûres et d'injections qui peut être vraiment très préjudiciable pour les sportifs. Ouais. Et on avait aussi cette question, d'ailleurs, qu'on s'était posée l'année dernière en tant que problématique principale. C'était cette question aussi large. À partir de quand on peut considérer, pour un sportif, un athlète de haut niveau, cette fois-ci, qu'il est dopé? Parce qu'au final, je m'explique. Le Suédois Hans Gunnar Lilienwall, en 1968, fut le premier dopé à Mexico, donc au JO. Pour la cause, il aurait bu deux bières pour se déstresser un petit peu avant la course. Maintenant, donc, ça paraît inimaginable, évidemment, d'être condamné pour si peu. À partir de quand, maintenant, peut-on considérer qu'un sportif soit dopé? Il y a peut-être des instances qui ont mis des listes, peut-être le CIO ou l'EMA. Oui, c'est tout le cadre légal de l'antidopage. C'est donc ce qu'évoquait Julie, la définition... du dopage, donc à partir du moment où la substance est interdite, donc effectivement elle appartient à une liste que le gouvernement français adopte et que l'AMA définit, hein, voilà, c'est l'Agence mondiale antidopage, tout à fait. Donc à partir du moment où cette substance est sur la liste et découverte dans les fluides d'un sportif, il est considéré comme dopé. Voilà, c'est très juridique en fait. Oui. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait des listes du CIO, donc Comité International Olympique, et d'ailleurs de l'EMA aussi, sur les produits qu'on ne doit pas consommer. Alors il y a une liste en compétition et une liste hors compétition. Pourquoi il y a deux listes, justement? Oui, elle est encore même plus complexe que ça, la liste. Donc il y a des produits qui sont détectés et recherchés en permanence et d'autres uniquement en compétition. Ben, ça vient du fait que certains sportifs, notamment des rugbymen dans les années 90, consommaient de la cocaïne et étaient contrôlés positifs à l'entraînement, et en disant que la cocaïne, ce n'était que pour l'aspect festif de la chose et non pas pour se doper. Donc voilà, ça vient du sportif et qui a amené les instances à séparer finalement les deux types de substances. Mais elle est encore plus complexe. Il y a aussi, j'en parlerai aussi un petit peu si vous le souhaitez, les substances dites spécifiées et les substances non spécifiées. Donc à partir de là, on détermine aussi une catégorie de substances qui amène des sanctions lourdes et une catégorie de sanctions qui amène des allègements de sanctions possibles. Voilà. D'accord. Par exemple, quelles seraient les suspensions lourdes? Ce serait tout ce qui toucherait justement au sang, justement? Alors, c'est tous les produits qui sont interdits à la commercialisation. D'accord. Voilà, qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Donc, tous les stéroïdes anabolisants, bien sûr. Mais c'est aussi des produits comme le PO, l'érythropoïétine, hein, qui est un médicament, mais qui est utilisé dans un cadre très, très, très spécifique, donc pour des personnes généralement en fin de vie. Et on trouve donc aussi également tous les stupéfiants, qui sont des substances que... qu'on ne peut pas détenir en fait chez soi, oui, dans sa pharmacie, et donc on ne peut pas légalement consommer ces substances. Il y a même d'ailleurs des interdictions dans des sports peut-être d'adresse, je crois au tir à l'arc ou au tir tout simplement, même on ne doit pas dépasser un certain taux d'alcool si je ne me trompe pas. Donc, non, l'alcool n'est plus sur la liste. D'accord, peut-être les produits... la marijuana, je crois, ou quelque chose du genre. Il y a des substances à seuil aussi, ouais, c'est-à-dire qu'il faut dépasser un certain seuil pour déclarer la positivité du corps. Du coup, effectivement, c'est plus du tout le cas pour l'alcool, parce que j'avais lu que sur plein de sports, c'était plus le cas, et j'avais eu l'impression, et c'est moi qui l'avais précisé à Flo sur notre document, que c'était encore le cas pour certains sports très précis, justement, avec la mise en place d'un seuil de tolérance, bon, un petit peu comme pour conduire, finalement. Notamment sur les sports de conduite, tous ceux où il y avait du tir, donc j'ai pu noter, justement, par exemple, le pentathlon moderne, pour citer une discipline. Tout à fait, c'était le cas encore l'année dernière, mais plus cette année. Ok, c'est vraiment, très récent. Ouais, très, très, très récent. Nouvelle année, nouvelle résolution. Si on veut. On va passer à une autre sous-thématique, notamment du dopage d'État, ce qu'on appelle le dopage d'État. Est-ce que ça a lancé un peu un dopage de masse, c'est-à-dire notamment à l'époque de la guerre froide, où il fallait gagner tout simplement entre les États-Unis et l'URSS. Et d'ailleurs, on a vu dernièrement des suspensions des Russes au JO 2016 et 2018 à Pyeongchang. Est-ce que le dopage d'État a lancé un grand dopage de masse dans l'histoire du dopage? Ça a été un sacré coup d'accélérateur technique, en tout cas, parce que ça a permis de progresser dans les protocoles, de tester plein de choses. Donc oui, ça a mis un coup d'accélérateur. On a retrouvé beaucoup de médecins issus de cette époque dans des délégations autres, comme les nageuses chinoises, par exemple. Voilà, cette époque a aussi... occasionné beaucoup de recherches dans le domaine et beaucoup de spécialistes qui se sont ensuite exportés. Est-ce qu'on peut penser donc légitimement que certains pays sont plus touchés que d'autres par le dopage? Est-ce que le dopage, au final, c'est peut-être pas une arme politique un peu dans le soft power? On avait tendance à considérer que ce sont essentiellement les pays occidentaux et riches qui ont de grosses consommations de médicaments qui, du coup, il y a une offre de substances qui est exponentielle, mais on s'aperçoit aussi que des pays comme le Kenya, où y a pas des officines à chaque coin de rue, mais il y a quand même une organisation du dopage assez intensive. Enfin, du coup, si je comprends bien, pardon, un des facteurs du distinguo qu'on ferait entre des pays par rapport au dopage d'État, ça serait aussi l'institution sportive ou la fédération qui compterait dans ce pays-là et par rapport à ses résultats dans des championnats du monde, dans des JO. Le Kenya, qui brille par sa fédération d'athlétisme, serait évidemment pas catalogué comme étant un pays riche, mais de par les perspectives que lui permettraient ses athlètes en termes de médailles, en termes de titres mondiaux, etc., elle serait à même aussi de pratiquer un dopage d'État de haut niveau. Non, ce sont essentiellement des conditions économiques qui poussent les sportifs kényans à ce phénomène. à sortir du pays, à gagner de l'argent, à faire vivre des familles entières. C'est purement voilà. Et puis il y a une exploitation. On évoquait aussi des spécialistes qui s'exportent. C'est aussi le dopage au Kenya n'est possible que parce qu'il y a des Occidentaux qui se sont installés là-bas et qui ont apporté toute la technique et la technologie nécessaire pour le faire. Romain, oui, tu as une... Oui, mais justement, c'est juste pour illustrer ce qu'on dit sur le Kenya. Alors, bien sûr, ce n'est pas pour mettre en évidence ce pays plus qu'un autre, mais concernant l'athlétisme, en 2012, les Kenyans, effectivement, ont été les athlètes les plus contrôlés par la Fédération internationale. Ils ont subi pas moins de 348 tests, soit 14,7% du total des contrôles demandés l'année précédente par l'IAAF. Et à savoir, donc pour voir qu'il y a bien sûr ces pays riches qui sont juste derrière, hein, le deuxième le plus contrôlé, donc on se maintient sur l'athlétisme, hein, c'est très spécifique, et la Russie, et suivent les États-Unis juste derrière. Donc effectivement, on a peut-être ce spectre des grands pays de la guerre froide, mais bien sûr qui sont toujours présents et qui ont développé le dopage. Yam, tu as une réaction également? Oui, on parlait des pays avec beaucoup de cas de dopage. La Russie, les États-Unis. Parmi tant d'autres. Ouais, parmi tant d'autres, voilà. Et j'ai l'impression que. Alors, c'est peut-être parce qu'on est en France, mais que la France passe à travers les gouttes. Est-ce que c'est. Enfin, non, à travers les gouttes, dans les grands cas, j'ai envie de dire. Ça fait depuis l'affaire Festina, on n'a pas eu trop de Français en cyclisme, en athlétisme, quelques cas, mais sans commune mesure, voilà, moins médiatique. Est-ce que c'est par rapport à la lutte dans le pays? Est-ce qu'il y a plus de moyens mis en France? Est-ce qu'il y a plus de moyens qu'aux États-Unis? C'est une question très complexe, en fait, parce que l'absence de contrôle antidopage positif peut avoir des sources totalement opposées. Ça peut être parce qu'il y a peu de dopage, donc on peut tout à fait envisager logiquement que la politique anti-dopage en France est quand même bien développée et que de fait il y a peu de cas de dopage effectifs. Mais ça pourrait être aussi exactement le contraire. Il pourrait y avoir quasiment pas de cas de dopage parce qu'on ne cherche pas suffisamment et pas comme il faut. Et on obtient aussi le même résultat par cette stratégie-là. Donc peu de contrôle anti-dopage positif, c'est une question très compliqué. D'ailleurs, on voit l'athlétisme, par exemple, où il y a beaucoup, globalement, de contrôle antidopage positif. Mais c'est quand même lié à la démarche de la Fédération internationale d'athlétisme, qui cherche à faire des contrôles antidopage, de bons contrôles antidopage, qui cherche à les cibler, qui cherche à se coordonner avec d'autres instances pour avoir une politique efficace. Donc, ils ont beaucoup de contrôle, mais parce que c'est ce qu'ils veulent obtenir. Et on ne peut pas dire ça de toutes les fédérations sportives internationales. On peut le dire de la France, qui met des moyens... Oui, bon, ça rassure. Oui. C'est peut-être pour ça qu'on ne gagne pas le Tour de France. Vaste débat. On va parler un peu plus des conséquences, même si c'est aussi un sujet très large, du dopage, notamment dans le monde du haut niveau. On a ce stéréotype que le dopage est évidemment négatif et péjoratif. Est-ce qu'il peut être positif du dopage? Est-ce que c'est possible d'avoir des substances qui sont positives pour notre organisme, ou vraiment le dopage reste néfaste d'un point de vue santé, hein, uniquement? Il n'y a aucun médecin là. Ça nous laisse un peu liberté. Personne nous écoute. Je peux un petit peu détourner votre question, bien si sûr, vous le permettez. La question, c'est surtout sur la dangerosité des substances. Et on s'aperçoit qu'effectivement, à l'utilisation de microdosages, notamment de PO, d'hormones de croissance, n'est pas forcément dangereux pour la santé. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des sportifs qui vont se doper toute leur vie, qui vont faire ça de manière très méthodique et très organisée, mais qui n'auront aucun souci de santé. C'est ça qui est aujourd'hui un petit peu dramatique, parce que si c'est bien fait, voilà, il n'y a pas de conséquences directes sur la santé. Donc, mais sur des substances en particulier, effectivement. Sur certaines substances, mais même sur la testostérone et ses dérivés, on peut en revenir avec des traitements. Par des médecins spécialisés, on peut revenir à des taux normaux de production endogène. Donc on peut revenir de tout ça. C'est ça qui est aussi ce qui rend aussi très complexe le phénomène. Oui, mais en même temps, la question de la santé n'est peut-être pas la première raison pour lutter contre le dopage. Enfin, je veux dire, la problématique quand même, c'est que si on, parce qu'on parle beaucoup de légaliser le dopage comme ça, voilà, tout le monde se dope, oui. Et puis c'est plus simple, ça coûte moins cher, blablabla. Ok, mais est-ce que tous les sportifs ont envie de se doper? Non, sûrement pas, oui, carrément voilà. Pas. Fin... Il y a une question d'éthique qui rentre aussi en jeu, quoi. Oui, mais c'est même au-delà, c'est juste, ils ont absolument pas tous envie de se doper. Donc, le problème, il n'est pas que sur le registre de la santé. C'est que les gens, ils ont envie de gagner. En étant propre, ouais. En comptant sur leur qualité, et ils ont envie que ça ce soit possible. Donc risque ou pas risque, ils vont pas se doper pour autant, même s'il y aura pas de risque. Justement, le dopage met tout de même en danger la santé du sportif. Certains sportifs, donc par exemple l'équipe d'Afrique du Sud de rugby en 95, ont contracté des pathologies graves et extrêmement rares après la fin de leur carrière. Plusieurs coureurs cyclistes, évidemment, qui ont avoué avoir pris de l'OPO, ont raconté que leurs soigneurs les réveillaient en pleine nuit pour leur faire de l'exercice. L'objectif était d'éviter un arrêt cardiaque à cause d'un effet secondaire du produit dopant. En ce qui concerne la santé, quels sont les plus grands dangers qu'un athlète peut avoir, tout simplement? Bon, on l'a évoqué tout à l'heure, donc sur les transfusions sanguines, c'est la mort, direct. Ça, avec des... Je pense qu'il n'y a pas pire au niveau de ça. Voilà. C'est assez immédiat. On ne peut pas aller plus loin, là. Après, il y a toutes les maladies, cancers, qui arrivent très très rapidement chez certains sportifs. Très tôt à la fin de leur carrière et les dépressions aussi, beaucoup. Si on prend la santé dans sa globalité, si on évoque les suicides par exemple de certains sportifs, alors le dopage n'est certainement pas que la cause. On parle aussi beaucoup en ce moment des commotions cérébrales dans le rugby, donc des chocs au cerveau, il y a aussi des études sur très sérieuses menées au Canada sur ce phénomène entre la dépression occasionnée par les chocs au cerveau, mais il y a tous ces phénomènes aussi de dépendance, et puis ensuite à la fin de la carrière de substitut à ces produits-là par l'alcool ou des stupéfiants, et donc des sportifs qui arrivent très très vite dans la pente descendante, plus rapidement que les autres en tout cas. Oui, Romain, tu voulais réagir au niveau de ça. Oui, effectivement, mais notre question suivante allait faire le pont avec le fait de noter un phénomène d'accoutumance qui entraînerait la dépendance depuis les substances dopantes, ce qui est finalement assez peu surprenant. Et juste, c'était pour donner quelques chiffres, hein, même si effectivement c'est intéressant de voir ce que vous dites, et c'est parfois d'autant plus inquiétant de substances qui parfois ne pourraient pas avoir des effets aussi graves qu'on pourrait en penser. En tout cas, c'est le protocole suivi est rigoureux, et avec en tout cas des cas de sportifs qui, tant mieux pour eux finalement, n'ont pas de problème de santé malgré l'usage de stupéfiants ou de produits dopants. Mais dans certains sports, il y a eu des observations faites assez saisissantes malgré tout. À noter par exemple dans le football américain, dans les années 90, où l'espérance de vie d'un joueur professionnel avait été quantifiée à hauteur de pas plus de 55 ans. Ce qui était très très loin de la moyenne nationale américaine sur l'ensemble de la population, bien évidemment. Ou encore, je peux penser au championnat italien de football, où les taux de leucémie et de cancer de l'appareil digestif étaient deux fois plus élevés pour un joueur à l'époque de l'âge d'or du football italien, où on sait qu'il y a eu malheureusement aussi des affaires assez importantes de dopage. Ou encore, effectivement, le dernier chiffre que je voulais donner, c'était sur le Tour de France depuis 1947, où le risque a été calculé au niveau du risque de décès cardiaque avant 45 ans, et qui serait donc 5 fois supérieur à la moyenne. Donc la prise de risque est quand même particulièrement importante. Donc vigilance aux sportifs de haut niveau. Oui, justement, donc sur ce sujet des maladies d'après carrière, tout ça, est-ce que on peut faire le lien scientifique entre les maladies, je pensais au cancer de Laurent Fignon, est-ce qu'on peut dire, parce qu'on voit les gens, quand on voit sur un site une annonce de maladie d'un sportif, oui, il a été dopé, c'est normal. Est-ce qu'on peut faire ce lien, ou ça peut tomber, le cancer tombe sur n'importe qui, mais est-ce que ça peut... pas systématiquement. Parce qu'il y a un lien de causalité. Non, c'est bien ça le problème, pas systématiquement. On ne peut pas faire le lien direct entre la prise de produits dopants et le cancer, par exemple, de Laurent Fignon, qui, dans sa catégorie d'âge, je crois, est un cancer... Plus classique. Ouais. On peut dire ça comme ça, mais... On connaît des personnes qui ont le même cancer au même âge que Laurent Fignon et qui ne pratiquaient pas de sport. Donc, c'est... Et d'ailleurs, sur les taux qui ont été annoncés, par exemple, on sait aussi que c'est directement lié à la pratique sportive en elle-même. C'est-à-dire que c'est la pratique sportive intensive aussi qui est aussi dangereuse à elle toute seule. Qui est un facteur supplémentaire. Et si on parle en plus pour le football américain, il y a les chocs, hein, qui est aussi une très bonne raison pour mourir jeune. Voilà, mourir jeune, il y a les suicides d'après-carrière aussi. Aussi, oui. Voilà. On va passer à notre deuxième pause musicale avant de passer à notre deuxième débat tout de suite après sur le contrôle antidopage, sa prévention et ses limites. C'est Vampire Weekend, à tout de suite. We'll be right back. De retour sur Sport and Chill, c'était Vampire Weekend. On passe tout de suite à notre donc deuxième thème sur la lutte antidopage et la prévention. Excusez-moi, on va commencer avec le contrôle antidopage. Peut-être parler très rapidement de la hiérarchie nationale et mondiale du contrôle antidopage. Il y a beaucoup d'organismes, on ne sait pas trop où on en est, on va dire. Il y a l'AMA, donc Agence Mondiale Antidopage. Il y a la FLD, justement. Il y a aussi l'ONAD, Organisation Nationale Antidopage. Comment ça se situe ça s'articule un petit peu. Comment ça s'articule, tout simplement? Alors, l'AMA, l'Agence Mondiale Antidopage, édicte les règles en matière antidopage sur le plan international. Pour cela, elle se base sur un droit international qui est la Convention de Paris signée en 2005, convention sous l'égide de l'UNESCO. À partir de là, les pays signataires de la convention appliquent le Code mondial antidopage, dont la France, et son ONAD, son organisation nationale antidopage, qui est l'Agence française de lutte contre le dopage. Donc l'Agence française de lutte contre le dopage tire ses dispositions des recommandations de l'Agence mondiale antidopage, qu'elle applique et qu'elle retranscrit en droit français. Alors, actuellement, le législateur définit les règles antidopage en France par des ordonnances. Ce sont des ordonnances, donc c'est le gouvernement qui prend directement les décisions, applique donc le Code mondial antidopage par l'intermédiaire de ces ordonnances, sans passer par le Parlement et l'Assemblée nationale. D'accord. Concrètement, au niveau des contrôles antidopage, est-ce que il n'y a que donc l'urine et le sang qui sont les seuls moyens de pratiquer le contrôle? Ou pas du tout? Généralement, la plupart des cas, c'est peut-être le sang, non, justement? Alors, dans les contrôles antidopage, il faut distinguer effectivement les contrôles urinaires, qui sont la majorité des contrôles antidopage, hein, puisqu'on trouve à peu près tout dans l'urine. Et il y a les contrôles sanguins qui servent à déterminer deux choses. La première chose, c'est le profil biologique d'un sportif, c'est-à-dire ce sont des sportifs qu'on suit de manière méthodique et mensuel, et on détermine des éventuelles variations de leurs paramètres physiologiques. Ça, c'est le profil biologique. Et puis il y a le dépistage sanguin, donc où là on recherche des substances très spécifiques telles des EPO qu'on ne peut trouver que dans le sang. D'accord. Tout à l'heure vous avez dit des pays ont signé une convention, la Convention de Paris. Est-ce qu'il y a des pays qui n'ont pas signé cette convention et qui du coup ne respectent pas la législation imposée par l'AMA, et du coup ont leur propre législation? Non, enfin, ça existe, il y a 2-3 pays en Afrique et en Asie, je crois, mais qui ne sont pas des pays pourvoyeurs de sportifs, donc à la marge. Non, tous les pays ont signé, y compris la Russie, y compris les États-Unis. D'accord. Au niveau du temps, quand pratique-t-on le contrôle antidopage? Est-ce que c'est avant ou après les compétitions? C'est indépendamment? C'est quand on veut? Inopinément. Alors, c'est toujours inopiné. Les sportifs ne sont pas avertis Jamais. Jamais. Donc, ce sont des contrôles à l'entraînement, en compétition, et sur un groupe de sportifs qui sont soumis à l'obligation de localisation. Oui, ça faut en parler aussi. Voilà, on va peut-être en parler aussi. Qui, eux, sont donc soumis à cette obligation, justement, de renseigner un créneau horaire d'une heure chaque jour pour lequel ils peuvent subir un contrôle antidopage. Et qui les oblige réellement à être présents au créneau qu'ils ont indiqué. Donc ça, c'est considéré quand même par beaucoup de sportifs comme assez contraignant. Hein. Oui. Est-ce que c'est le coup des 3 fois dans l'année? Par exemple, si on ne se présente pas 3 fois dans l'année, on est suspendu l'image de Alizé Cornet au tennis. Tony Yoka, justement, dernièrement en boxe. C'est ça. C'est tout à fait ça. 3 no-show. On est suspendu pour une durée généralement de 2 ans. Comment ça s'explique, cela? C'est les sportifs qui prennent pas en compte justement la lutte antidopage, ou c'est peut-être une faille justement de... Là aussi, il y a plusieurs interprétations. Il y a des sportifs qui jouent avec la localisation, hein, ça faut pas le nier. Il y a certains sportifs qui préfèrent avoir 3 no-show plutôt que l'on trouve la substance. Il y a l'inadvertance. Il y a des sportifs qui, de niveau international, qui prennent pas au sérieux les recommandés qu'ils reçoivent, les documents qu'ils reçoivent. Et... Oui, parce que juste, on est prévenu quand même. Hein. Oui. On reçoit une info. Bien sûr. On reçoit un avertissement, ça tombe pas du ciel, les trois. On peut mettre Tony Yoka dans ce cas-là, non, dans la négligence volontaire. Volontaire. Je lance un pavé dans la mare, mais. Moi, je me prononcerai pas. Oui, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend dans le monde. Ouais, je dénonce. c'est par rapport à quelqu'un comme Élisée Cornet qui, peut-être, elle, est plus. J'ai pas le mot, mais. Elle est plus. Je sais pas. J'ai envie de dire bonne oui. Foi, de bonne foi. Ça y est, ça m'est revenu. Plus de bonne foi que Tony Yoka, j'ai l'impression. Si, oui, il y a des signes. L'agence connaît les sportifs qui jouent avec les localisations. On connaît. On sait. Est-ce que c'est la procédure Adams, c'est ça, la localisation? Oui, c'est le logiciel Adams qui est utilisé par les sportifs et par toutes les organisations antidopage également. Est-ce qu'il y a une limite d'âge dans ce procédé? Pour le dopage, le contrôle dopage, est-ce qu'il y a une limite d'âge ou pas du tout? Non, tout sportif peut être contrôlé. D'accord. Voilà, majeur ou mineur. Au niveau juridique, est-ce que les sportifs suspendus ont des recours, des pourvois au niveau du TAS ou est-ce que c'est sans appel? Oui, il y a des recours, c'est très complexe. Principalement, il y a des recours presque tout le temps, je suppose, non? Alors là, je suis obligé d'intervenir sur une nouvelle modification, justement, en matière de suite apportée au contrôle antidopage positif. Donc, les fédérations ne vont plus sanctionner les sportifs à partir de cette année. Ce sera directement l'Agence française de lutte contre le dopage à travers sa commission des sanctions qui va prononcer les sanctions. Donc les fédérations sont mises de côté dans ce cadre-là. Voilà. Oui, d'accord, pas de souci. Moi, j'avais plutôt cette question sur la lutte contre la prolifération justement des produits dopants. C'est une très large question, donc c'est pour ça qu'on va peut-être écourter au niveau de ça. Est-ce que c'est une nouvelle manne économique, le trafic de dopage? Complètement. Complètement, c'est passé devant les stupéfiants au niveau du trafic international. Enfin, c'est une énorme manne, les anabolisants en particulier. J'ai quelques chiffres à travers le dossier catalan. Ah, oui. On va peut-être en parler par la suite en troisième partie. Le dossier catalan, le bodybuilder catalan, comme je l'ai appelé. le dossier catalan, c'est joli. On va peut-être passer justement à la prévention du dopage avant de passer au cas concret par la suite. Comment prévenir du dopage, notamment un public jeune? Quels sont les moyens dont on dispose actuellement? Alors, à l'heure actuelle, il y a pas mal de dispositifs qui sont effectifs, ce qui est peut-être et qui sont impulsés par l'État ou par les fédérations, mais se présentent quand même deux problèmes. Le premier, c'est que la prévention, c'est un truc qui est vraiment tout à fait contre-intuitif. On s'improvise pas à faire de la prévention comme ça. Il faut pas juste dire oulala, c'est très dangereux de prendre des anabolisants, surtout pas à des adolescents sportifs qui éventuellement peuvent être tout à fait, pour certains, pris dans une prise de risque qui les intéresse. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire quand on a une compétence et qu'on sait mettre en place ce genre de choses. Donc ce qui manque à l'heure actuelle dans l'ensemble du dispositif, c'est que tous les acteurs soient formés et interviennent dans le bon sens. On travaille avec beaucoup d'acteurs dans ces cas-là. Disons notamment que le CREPS, peut-être. Par exemple. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, le CREPS, jeunesse, par exemple, je ne vais pas donner tout l'acronyme. Donc, jeunesse et sport, évidemment. Les fédérations aussi ont leur propre démarche. Donc, finalement, le dispositif, enfin, il y a plusieurs dispositifs avec plusieurs couches, avec plusieurs intervenants. Donc, ça, c'est plutôt bien. Après, il faudrait que tout le monde soit suffisamment au fait de comment on doit faire. Ça, c'est encore un autre souci. Ouais. Mais l'autre problème, c'est l'espèce de fermeture que le milieu sportif lui-même a par rapport à cette question. Parce que, par exemple, vis-à-vis des sportifs, la meilleure personne pour leur parler de dopage, c'est leur entraîneur. Parce que c'est la personne la plus importante pour eux dans leur carrière, qui aura le plus d'impact. Et ben, sauf que l'entraîneur, il trouve jamais le bon moment ou la bonne manière pour aborder la question. Et du coup, il n'en parle pas. Est-ce que c'est un sujet tabou entre l'entraîneur et son athlète? C'est un sujet compliqué. Oui. Peut-être pas complètement verrouillé, mais trop compliqué. Donc, on n'en parle pas. Et ça, c'est le plus gros problème. D'accord. Dans cette question de la prévention, quelle place on peut accorder aux repentis? Est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce que, donc oui, ça, que peut, c'est du ça peut être tout à fait intéressant, mais la prévention, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas les témoignages, ce n'est pas ça qui impacte les comportements, c'est d'autres choses. Justement, il y a des techniques, des méthodes, des choses qui marchent très bien, et c'est celle-là qu'il faut appliquer. Le discours des repentis, ça n'apporte pas grand-chose. Ça fait bien sur l'affiche, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et donc c'est l'entraîneur l'élément principal, les parents n'ont pas la place à jouer dans... Si aussi, bien sûr, bien sûr, enfin, évidemment. Mais l'entraîneur plus, parce que sa parole par rapport au sport va avoir plus d'importance. Souvent les jeunes sportifs disent « Oui, mais mon père me dit de me reposer plus, mais il n'est pas sportif, lui, il ne sait pas. » Sa parole, elle n'a pas de valeur. Par contre, celle de l'entraîneur, elle aurait de la valeur. Et puis l'entraîneur, souvent, il ne sait pas trop comment s'y prendre pour aborder ça, donc il n'aborde pas. Et du coup, on n'en parle pas. On parlait d'Adams, par exemple, typiquement. C'est tout simple, hein, c'est juste une obligation. Mais pourquoi il y a autant d'oubli? Parce qu'on peut penser qu'il y a des oublis de bonne foi. Et ben parce que tous ces trucs-là, ça gêne dans le système. On n'a pas envie d'y consacrer du temps, de la considération, et ça commence... très tôt dans la carrière, en fait. Parce que quand on va dire « Oh là là, faut que je me localise », ben peut-être que l'entraîneur, il va dire « Ils commencent à nous courir avec leurs trucs ». Et oui, mais si on commence comme ça, ça laisse pas la place à toute la question du dopage, de la lutte contre le dopage, de la prévention, d'exister pour le sportif assez tôt dans sa carrière pour qu'il puisse se positionner dessus, faire ses choix, savoir où il va sur ces questions-là. Peut-être faut-il faire de la pédagogie avec les entraîneurs avant de les athlètes, finalement. Ou dans le même temps, en tout cas. Disons que c'est la meilleure cible, ça c'est sûr. Justement, on peut appeler ça une pression sportive. Est-ce qu'elle est trop forte face à la prévention du dopage? Peut-on penser, sans vraiment partir dans le complotisme, que certains clubs, des équipes, des ligues qui sont trop puissantes, ils mettent pression aux organismes pour le contrôle antidopage ou c'est une idée reçue, ou par exemple on peut penser à l'affaire Sky, tout simplement, qui a eu lieu donc dans le cyclisme, qui on a détecté un problème chez Christopher Froome avec un taux de salbutamol, pardon, merci, qui était beaucoup plus haut, et quelques années après, une année après, on a vu que la l'AMA s'est rétractée et a blanchi Froome. Est-ce qu'on peut penser, sans du coup partir dans le complotisme, qu'il y a des pressions derrière? Non, il y a des moyens, ça c'est sûr, chez Skype. Non, il y a un cadre légal qui est respecté des deux côtés, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a... c'est difficile de répondre à cette question, hein, sur le... Si j'en reviens à ma personne, par exemple, je ne subis aucune pression de... Oui. Voilà. Ou les préleveurs ne subissent aucune pression particulière dès lors que... Même inconsciemment, on se dire qu'on touche quand même à une institution qui est la Sky dans le cyclisme, on se dit peut-être qu'il y aura plus de sympathie peut-être envers cette équipe et qu'envers peut-être une équipe qui est peut-être moins importante. Ça fera plus de remous, en tout cas. Oui. Bah, la communauté antidopage ne raisonne pas comme ça. On est là pour éliminer les tricheurs. En fait, on essaye d'y contribuer, en tout cas. Et quel que soit le sportif que l'on a en face, quelle que soit l'organisation, on reste neutre, on fait notre activité, et puis surtout on essaie de collationner un certain nombre de renseignements. C'est aussi un petit peu la base de mon travail. Et donc dans ce lot-là, il y a des sportifs de renommée internationale, il y a des sportifs amateurs, mais pour moi je ne fais pas de distinguo, je ne ressens pas... Oui. Alors par contre, avec les sportifs internationaux... les conséquences peuvent être plus importantes, plus importantes, y compris pour moi. Mais à la base, on fait pas de distinguo. Non. Est-ce qu'il y a des sports que l'on contrôle plus que d'autres? On peut penser évidemment le cyclisme, l'athlétisme, qui sont fortement impactés par le dopage. Et à contrario, peut-être le football, les sports collectifs. on peut penser que les sportifs sont tout autant dopés peut-être, et au final il y a peut-être pas remous médiatique, ou est-ce qu'on peut croire vraiment que les sportifs de sport collectif ne le sont pas? Alors là aussi on est très très terre à terre là-dessus. On utilise des algorithmes, l'AMA utilise des algorithmes qui fait appel à un certain nombre de critères, notamment les cas de dopage, la force utilisée, les gains financiers, et tout ça est passé à la moulinette et ça détermine tous les sports qui sont les plus à risque. Et donc l'Agence française de lutte contre le dopage applique bien sûr ces décisions prises au niveau de l'AMA, et donc forcément on va vers plus ces sports-là qui sont déterminés comme un risque. Pour les contrôles antidopage, comment on sélectionne les sportifs qui devront se présenter donc à un contrôle? Est-ce que c'est totalement au hasard, ou est-ce qu'il est possible donc les possibles suspects entre guillemets de dopage soient davantage sollicités pour un contrôle? Personnellement, je travaille beaucoup sur le renseignement. Oui. Donc il y a très peu de contrôles réalisés en Occitanie qui sont pas fondés sur un renseignement quelconque. Un renseignement, ça peut être tout simplement la croissance exponentielle de la performance. Mmh. Oui. Voilà, ça, c'est un renseignement. D'accord. C'est souvent d'ailleurs ce type de renseignement que j'utilise dans certains sports. Ça peut être aussi la fréquentation du sportif avec certains bodybuilders, certains personnes que l'on connaît comme étant revendeurs. Voilà. Mmh. Donc on a... Voilà. Donc tous les contrôles antidopage sont fondés, en tout cas ici, sur un maximum le renseignement. D'informations, oui. Sauf si vous avez une question à poser, on va passer à notre dernier débat sur les cas pratiques, un peu en pêle-mêle, si je peux m'exprimer ainsi. Et notamment en sous-thématique sportif et hors sportif, enfin non sportif entre guillemets. On a tendance à voir pour ceux qui aiment le footballeur, notamment un gallois qui s'appelle Gareth Bale, avec une transformation physique spectaculaire en très peu de temps. LeBron James avec par rapport au basket, avec des sportifs ultra musclés, l'évolution fulgurante des galbaris, donc au rugby moderne. Est-ce qu'on est en droit de s'interroger sur l'évolution récente et parfois extrêmement rapide des gabarits de sportifs de haut niveau? Est-ce que ça veut forcément dire qu'il y a une trace de dopage par là, enfin de dopage, de substance par là? Enfin, c'est difficile de dire ça parce qu'il y a une telle optimisation maintenant de la préparation physique et de l'alimentation. Enfin, je veux dire, ça fait aussi partie des facteurs de progrès récents. Enfin, là, on arrive à des choses incroyablement efficaces sans le moindre substance. Donc, c'est délicat de s'en tenir à ça. Après, Florian a parlé de Gareth Bale. C'est vrai que sa transformation physique est impressionnante entre son passage de Tottenham à Montréal. Hier, il s'est blessé pour la 22e fois depuis qu'il est au Real Madrid. Donc peut-être qu'aussi il y a... Est-ce que le dopage explique la blessure? Et ouais, voilà. Mais à nouveau, ça peut être aussi le surentraînement qui va à la fois expliquer la modification physique et les blessures. Ouais. Donc ce sont les mêmes causes au départ. Donc c'est très difficile de différencier. On sait plus de choses quand on sait qui le soigne, voilà, avec qui il s'entraîne. Ça donne plus d'informations finalement. Un autre cas concret, c'est l'affaire Festina, évidemment. En France, est-ce que c'est le début d'une structuration de la lutte antidopage en France? On le rappelle, donc l'affaire Festina, c'était le 18 juillet 1998, avec l'exclusion du Français Richard Vianque et de l'ensemble de l'équipe Festina du Tour de France. Cette affaire s'est conclue donc par la création de l'AMA, en 1999. Est-ce que ça a créé vraiment une structuration nationale et même internationale? Bah, vous avez répondu, oui. Oui, avec l'AMA, simplement. Et pas que sur la lutte, hein, c'est sur la prévention. Ça a été en France, ça a été le début de la prévention, enfin des démarches de prévention aussi. Finalement, certaines affaires, ce que j'avais noté, peuvent au moins avoir le mérite d'avoir l'effet positif de faire un warning pour toutes les instances, c'est le moment de faire mieux, de se structurer pour pouvoir éviter justement que ce type de situation puisse se reproduire, parce qu'effectivement en France, bon, j'en ai que moyennement le souvenir, mais ça a été un séisme assurément, quoi, que cette affaire. On va passer à quelques questions cyclisme, désolé pour ceux qui aiment ce sport, avec des stéréotypes souvent vérifiés ou non, de sport de dopé entre guillemets. Encore la semaine dernière, un Américain de 90 ans, Carl Grove, a été contrôlé positif à un stéroïde anabolisant. Est-ce que c'est le cas uniquement du cyclisme ou des sports d'endurance, cette proportion à prendre des dopants? Est-ce que c'est généralement les sports d'endurance qui... Alors, individuels, non, non, parce qu'il y a des sports d'endurance individuels, par exemple le triathlon, où on a une culture tout à fait différente. Mais alors, par contre, en cyclisme, il y a une vraie culture du dopage, quoi. C'est vrai, quoi. Enfin, c'est répandu, mais c'est répandu dans... Enfin, c'est pas que parce que les gens prennent des produits, c'est que c'est dans la culture, ouais, de la réussite, de la course. Bah, cette question-là, elle est... La question des produits, elle est très, très, très présente. Et l'expérimentation aussi, de tester des choses. Enfin, c'est tout un monde, enfin, le cyclisme, par rapport à ça. Et justement, est-ce que l'EPO est-il toujours la substance reine de ces sports d'endurance? Je confirme. Mais je confirme en 2018. Hein, j'ai pris quelques chiffres, hein, si vous êtes intéressé, oui, pour l'Occitanie. Donc il y a eu 832 prélèvements en 2018, 21 violations aux règles antidopage. On parle de violations aux règles antidopage parce qu'il n'y a pas que la détection de produits, il y a aussi toutes les infractions. Il y en a plusieurs, notamment le fait de ne pas se soumettre au contrôle antidopage qui relève d'une infraction. Donc en vélo, oui, un cas de PO, bien sûr, en 2018, sur de l'UFOLEP en région toulousaine. Voilà, donc et puis 4 substances spécifiées en cyclisme VTT. Voilà, donc on est dans la moyenne, et voilà, en cyclisme on est sûr de trouver à minima des substances spécifiées. Justement, j'ai l'impression que dans le cyclisme, on en trouve toujours plus. En 98, c'était le perfluorocarbure PFC. Utilisé par Festina, puis l'érythropoétine, donc le PO, dans les années 2000, avec Bernoris et l'affaire Fuentes en Espagne, et maintenant le clenbutérol, le Contador, et le salbutamol, décidément celui-là, avec Froome, et les mystérieuses asthmes des cyclistes, décidément. Est-ce que c'est un éternel recommencement dans le cyclisme? On trouve toujours d'autres substances pour contrer la substance reine qu'est le PO? Toujours un temps d'avance. Bah, ils sont passés au vélo électrique, donc. C'est vrai qu'il y a le dopage mécanique. Ouais. Avec un cas dans le monde amateur. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs. On en trouve. Il y a eu un cas en Dordogne l'année dernière, mais il y a des. On en parle aussi en Occitanie, dans un certain département, pour des personnes qui sont aussi dans des niveaux très très faibles de pratique, mais voilà. Oui. Ce qui est étonnant d'ailleurs, de voir quand même du dopage mécanique dans des compétitions très faibles. Même là, on a vu en Dordogne une compétition quand même lambda entre guillemets, et utiliser du dopage mécanique, c'est assez paradoxal en effet. Ça montre peut-être que justement, ce n'est pas qu'une question de recherche de performance, ou même lorsqu'il y a la recherche de performance, chacun met le niveau de performance qu'il souhaite obtenir. À son stade à lui. Je veux dire, peut-être que effectivement pour un coureur cycliste professionnel, l'objectif c'est remporter un Tour de France et remporter une grande classique, faut pas oublier que pour un sportif amateur qui fait une autre profession à côté, mais peut-être gagner le critérium qui se passe à côté dans le village voisin, ça tout aussi importance. Bien sûr que c'est important. Après, la question c'est pourquoi se tourner vers le produit alors qu'il y a plein d'autres choses à optimiser déjà dans l'entraînement, parce que ce ne sont pas des gens qui sont arrivés au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Ils sont très très très loin de ça. Donc voilà, pourquoi se pencher déjà vers le produit alors que déjà il y a de l'optimisation de l'entraînement qui pourrait être faite avant. Après, il est vrai qu'on met en avant, et très régulièrement, je me permets de réagir, le cyclisme sur les cas de dopage. Il n'enlève pas que, en tout cas je le pense, vous pourrez peut-être réagir si je me trompe, mais que c'est un des sports sur lequel il y a eu le plus de progrès qui ont été faits dans la lutte anti-dopage, et qu'il semblerait en tout cas qu'entre les années 2000 et maintenant la fin des années 2010, il y a eu beaucoup de progrès, et peut-être que justement, moi je pensais sur l'EPO, on le cite, mais justement peut-être plus maintenant pour des, pour, en tout cas pour le cyclisme, pour des cas de, j'ai envie de dire plus mineurs à un autre niveau de compétition. Justement, j'ai l'impression que à une époque dans les années 2000, tous les gros cas de dopage tournaient autour de l'EPO, hormis je pense en 2006 où il y a eu le cas du vainqueur des chutes du Tour de France, Floyd Landis, qui a été contrôlé positif à la testostérone. Alors qu'aujourd'hui, justement, on est sur souvent d'autres substances en quantité infinitésimale, je pense justement au salbutamol ou au butérol. Rémi De Gregorio a encore été pris à l'EPO. Oui, mais justement, là, on parle d'un sportif professionnel, mais qui, paradoxalement, justement, à une époque, était amené à avoir un avenir doré dans le cyclisme, mais qui ne réalisait plus de performances et qui n'allait pas nécessairement réaliser des performances. Il s'est fait prendre deux fois. Ça n'empêche pas. Non, mais même au niveau international, il y a encore eu des contrôles positifs à l'EPO. Ça reste un produit qui est vraiment consommé. Mais il y en a plein d'autres qui sont arrivés aussi. Et on constate aussi, sur les contrôles en triathlon sont quasi exclusivement des anciens cyclistes. D'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est pas des nageurs ou quoi que ce soit. Désolé Romain pour le cyclisme. Et pourtant Natacha, il y a quoi dire. On est dégoûté. On va terminer avec. Non, c'est pas dégoûté. Les cas sportifs. Je vois les choses différemment. Ouais. On en vient. On y vient à notre bodybuilder catalan. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce cas catalan. Dossier. Alors donc c'est un jugement qui a eu lieu l'année dernière. Le trafic a été organisé entre 2008 et 2014. Alors en fait ça va nous servir à évoquer un petit peu ce que peut être le trafic de produits dopants. Donc il y a toujours une phase d'initiation au trafic. Donc qui sert de tremplin pour le trafiquant. Et là, donc, on a un bodybuilder catalan qui est initié par un autre, en l'occurrence un bodybuilder ancien gendarme, viré de la gendarmerie pour des cas de dopage. Et voilà, ça commence par cette initiation-là. Et puis ensuite, il y a le trafic qui se met en place avec l'idée toujours d'acheminer les produits, de les placer, de les dissimuler, de les transformer. Voilà, donc ça c'est une récurrence dans le trafic de dopage. Et pour ça il y a la complicité de mules qui sont rémunérées très faiblement, à hauteur de 50 euros par exemple pour ces mules là dans ce cas concret. Mais aussi alors des mules complices, hein, des mules qui sont aussi consommatrices de produits dopants, mais vous avez aussi des mules passives comme les parents, les grands-parents qui reçoivent également des colis provenant de du monde entier. Alors les commandes se font effectivement essentiellement sur internet à destination de sites suivant la catégorie de la substance, donc soit aux États-Unis, soit en Chine, soit en Turquie, voilà, et soit en Roumanie pour le cas concret. Donc le point de départ de l'affaire, c'est une saisie douanière à Roissy, hein, qui saisit donc de l'hormone de croissance à destination de ce bodybuilder catalan. Et à partir de là, découle toute l'enquête menée par un service douanier. Hein, parce que faut pas oublier que dans les cas de trafic, et j'y reviens, il y a quand même la complicité de personnes telles que les gendarmes ou les militaires qui connaissent en fait tous les tuyaux et qui initient notamment à l'utilisation des messageries cryptées et qui initie à tout l'écoulement, à tout le blanchiment de l'argent. Donc il y a dans l'acheminement, il y a aussi l'utilisation de fausses ordonnances, hein, pour se procurer également des médicaments qui sont détournés de leur usage, hein, bien sûr. Ça va très loin. Ouais. Donc, il y a Et il y a donc avec les gains obtenus par ce trafic, la création d'une société. Donc on peut appeler comme une société écran. Alors pour revenir aux gains sur cette période-là, entre 2010 et 2012, le trafic de dopage occasionnait un bénéfice net par mois de 3 000 à 3 500 euros pour l'individu. Sachant qu'il y avait des marges utilisées sur les produits qui étaient distinctes de la quantité de produits. Donc un petit produit c'était 1 euro sur la fiole et un produit plus important c'était 5 euros sur la fiole. Donc vous voyez les marges qui sont utilisées, ça va vite, hein. Donc le réseau forcément il est bodybuilder, il est autour. Concernant ce cas aussi, il y a l'utilisation de comptes bancaires exclusivement basés en Espagne, donc facile depuis Perpignan. Donc tous les flux financiers passaient par des comptes basés en Espagne, donc appartenant à des mules, dont une mule qui était mieux rémunérée que les autres. Pour du dopage, on va très loin. La découverte, on voit à travers cette enquête. C'est impressionnant de découvrir ça. Ouais, voilà. Donc en fait, là, on est sur... ça va encore plus loin désormais, parce que là, le sportif en question ne faisait que recevoir les colis, les redimensionner et les envoyer par la poste à la clientèle. Aujourd'hui, on sait, notamment en région parisienne, il y a eu des cas l'année dernière où les trafiquants transforment eux-mêmes les produits, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre laboratoire dans leur cuisine où ils transforment la matière première. En fait, ils reçoivent la matière première et ils font un laboratoire clandestin chez eux où ils transforment carrément, où ils préparent les fioles. Là, en l'occurrence, sur ce cas-là, toutes les fioles étaient réceptionnées, puis recomposées en fonction de la clientèle qui achetait ces produits-là. Donc tout se fait sur Internet, tout se fait sur des réseaux cryptés, sur des forums, avec des codes, bien sûr, et tout ça, c'est initié par une personne et ça qui a la culture, qui a l'expérience et qui fait que ces personnes-là se sont enrichies et ont vécu vraiment très bien de leur trafic pendant toutes ces années. Cette enquête montre en effet du coup qu'il y a une vaste histoire derrière le monde du dopage, et ce n'est pas uniquement des personnes peut-être seules qui se dopent, qui a des acteurs externes. Ouais, en effet. On va peut-être passer à notre ouverture, notre conclusion. Ouverture, est-ce que, dans le livre d'ailleurs de la société dopée de Jean-François Bourré et Jean-Jacques Gouguet, est-ce que la sanction est-elle et reste-t-elle la seule action efficace dans le monde du sport ? En ce qui concerne le dopage, je vois que ça prête à sourire. Non, mais elle est quand même nécessaire, hein, parce que c'est quand même, ça impacte directement la diffusion ou pas du dopage et la possibilité pour des sportifs qui ne se dopent pas de gagner des médailles. Donc c'est une nécessité importante, et la dureté de la politique anti-dopage, elle détermine cette possibilité pour des gens propres de gagner. Donc c'est hyper important. Après, moi, évidemment, je trouve que la prévention... c'est aussi très important et que c'est même premier, mais c'est une question de métier et de chapelle. La sanction fait réfléchir aussi, hein. Voilà. C'est comme les radars sur la route, à un moment donné ça fait ralentir, c'est le même principe. Plus elle est dure, plus elle fait réfléchir a priori. Exactement. Et elles se sont bien durcies année après année pour beaucoup de sports. Justement, vous êtes pour ou contre la tolérance zéro ? Alors, un contrôle positif, suspension à vie. Alors là, c'est à nouveau, le dopage, c'est des produits variés, donc ça dépend quel est le produit aussi. Hein. Mais si vous êtes, si vous avez un contrôle positif à un produit qui sont de dernière génération, qu'on commence à détecter, qui sont issus des thérapies géniques, etc. Oui, zéro tolérance, ça semblerait tout à fait adapté. Enfin, il n'y a aucune raison qu'un sportif se retrouve avec ça dans son sang. Aucune. On est d'accord. Enfin, dernière question. Pouvez-vous donc nous parler en conclusion des sites pour s'informer, des numéros verts ou toute autre plateforme nécessaire pour ceux qui se sentent en danger avec des produits non identifiés, on peut l'appeler comme ça, qui ne savent pas s'il est bon pour la santé ou légal, ou même des familles qui s'inquiètent pour un membre de leur famille ou pas du tout. Est-ce qu'il y a un numéro vert à conseiller? Est-ce que Écoute Dopage est encore présent ou... Non, ça n'existe plus. Fabrice. Bah, y a le site de la FLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, alors qui donne accès à une base de données de médicaments, hein, donc pour savoir notamment si un médicament est sur la liste des produits interdits. Donc ça peut être utile. Et après, en termes d'information, le site de l'AMA également, qui est très complet dans ce domaine-là, très ludique. Les antennes médicales de prévention du dopage, ouais, donc il y en a... Elle est donc basée à Toulouse. En Occitanie. Voilà. En Occitanie, c'est Toulouse, oui. Ouais. Après il y a les médecins aussi fédéraux, hein, faut pas oublier le rôle des fédérations dans ce domaine-là, hein, donc pas hésiter à se rapprocher de ces entraîneurs et puis des médecins qui sont présents dans les comités départementaux, dans les ligues, voilà, qui peuvent aussi donner de l'information. Okay. Et puis pour les autres, voilà, de toute façon, le bodybuilder, il s'en fiche un peu de tout ça, quoi. On aura essayé tout de même. Merci d'être venu nous voir donc à Sport & Chill et d'avoir parlé d'un sujet profond dans le sport, et en espérant que ça se fasse au mieux pour le sport de haut niveau, parce que... Et pas que, d'ailleurs. Et pas que, notamment pour le cyclisme romain, n'est-ce pas? Non, je déconne évidemment. Merci d'être venu, merci. Et merci au Krebs d'avoir invité. On fait une dernière petite pause musicale pour dire au revoir à nos invités, et on se retrouve tout de suite après. Thank you. Elle est de retour sur Sport & Chill pour les dernières minutes de l'émission. On va faire notre petit quiz. Allez, tout de suite, jingle quiz. Sport & Chill, le quiz. Avec cette émission spéciale, pas d'agenda ni de pronostic de la semaine. Aujourd'hui, on va finir avec le quiz. Allez, question. C'est pas si mal. Question, oui, c'est pas si mal. Question rapide sur un quiz de l'année 2019. Messieurs, tenez-vous prêts. La Coupe du Monde de handball. Il y a la Coupe du Monde de handball cette année. Et depuis 1995, attention, tour de table. Et la première victoire de l'équipe de France en handball en Coupe du Monde. Il s'est passé 12 éditions. Combien de fois les Bleus ont fini sur le podium ? À minima. Donc sur le podium, sur 12 éditions de cette Coupe du Monde de handball depuis 1995, c'est leur premier titre. 9. 9 pour Guillaume. Ah, ça doit pas être loin de ça. Allez, les gars, dépêchez-vous, par contre, vous n'avez pas beaucoup de temps de réfléchir. Moi, je dirais 9 aussi. 8. Point pour Romain et Guillaume avec 9. Oui. Donc 9 fois sur 12, 4, une fois, 4ème et 6 titres évidemment. Euro de basket féminin, rapidité. Quel est le duo atypique des pays organisateurs de cet Euro de basket féminin cette année? Serbie. Oui. Serbie-Croatie. Non, justement, c'est pas de pays à côté. C'est pas de pays à côté du tout. Serbie, c'est pour ça que c'est atypique. Plus au nord. Serbie-Lituanie. Lettonie. Serbie-Lettonie. Ah. Allez, point. Tu la lances avec la Lettonie. Et qui est le champion en titre? L'Espagne. Yacine, quand tu veux. Qui si... Ah, t'as dit l'Espagne? Ah oui, j'ai dit Espagne en premier, même plus. C'est qui a dit l'Espagne? Je crois qu'on a été. Ça a été de concert. Ah, d'accord. Qui suis-je? Né à la Saint-Valentin 1995, je suis une personne qui a remporté de nombreux titres nationaux, mais pas internationaux. Formé à Brest, puis parti sur la Côte d'Azur, c'est le 24 novembre 2011 que je me remarque en m'en battant à Montpellier. Le record de France précédemment détenu par Sophie de Rochy, je sais pas comment on prononce, je suis désolé. À mes 17 ans, je décroche une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Je suis l'une des grands espoirs de médailles pour les championnats du monde. Charlotte Bonnet. De natation cette année. Oui. Je suis multimédaillé de France, je suis Charlotte Bonnet. Point pour Guillaume. Football en Ligue des Champions. Rapidité. Qui est le meilleur buteur de Ligue des Champions de foot, hommes et femmes, cette année? Ada Lewandowski. C'est pas Ada pour les femmes. Moi j'ai dit Lewandowski. Lewandowski pour les hommes, oui, point. Et pour les filles, alors. Pernille. Ardeur de Wolfsburg. C'était compliqué. C'était compliqué ça, oui. J'avoue que hormis les clubs Coupe du monde féminine de football là, se déroule cette année en France. Chez les masculins, la coupe s'est créée en 1930. Mais en quelle année chez les féminines, tour de table? 91. Un tour de table, bon bah 91. C'était avant. Pour le fait qu'il soit en retard, on va mettre ça en Chine. Mais tu vas dire rapide. D'ailleurs. Bien joué. J'avais pas. Rapidité, à qui le Tour de France rendra-t-il hommage cette année? C'est Bruxelles. Eddy Merckx. Eddy Merckx, à l'occasion du 50e anniversaire de sa première victoire en 1969. C'est pourquoi le tour commencera en Belgique cette année. C'est sans temps du maillot jaune. Coupe du monde de basket masculin. Tour de table. Nous avions posé une question sur le handball masculin qui dominait la Coupe du monde de hand. Les Américains dominent eux le basket, même si la Yougoslavie domine bien aussi. Sur la 17e édition de cette compétition, donc la Coupe du monde de basket, combien de fois les États-Unis sont au moins placés sur le podium? Sur le podium? Ouais. 15 fois sur 17. J'allais dire 15 aussi, donc. Bon, je vais dire 16, mais. Pour le spectacle. Bon, allez, les plus proches, c'est Guillaume et Yacine, mais c'était 12 fois. Seulement. Seulement. Sachant que, les Yougoslavies ont gagné autant de médailles d'or que les Américains. Ouais. Ils ont gagné 11 médailles en tout sur 17. Ouais. Les Yougoslaves, c'est pas mal aussi. Coupe du monde de rugby. Rapidité. Que s'est-il passé d'historique avec la Roumanie sur cette édition de la Coupe du Monde? Enfin, sur cette prochaine édition de la Coupe du Monde. Mais c'est leur première qualif. Bah non. Ah non, non. Oui. Du coup. C'est leur deuxième? Non. C'est la première depuis qu'ils sont indépendants? C'est la première depuis la... Ils ont fait la première Coupe du Monde et depuis ils l'ont plus jamais faite. Non. C'était l'an 18. Non, vous y êtes presque. Vous l'avez pas? Non. C'est sa première non-qualification, tout simplement. Ah oui, bah c'est oui, du ils monde sont ils sont on a pas. Été piégés. Non, ils y sont pas parce qu'ils ont été disqualifiés. Ah, c'est vrai. Ils les ont toutes faites. impressionnant. Championnat du monde d'athlétisme, rapidité. Les championnats du monde d'athlétisme se passeront à Doha cette année. Une nouvelle discipline fera son entrée et une innovation. Donc, une nouvelle discipline, innovation, lesquelles? Le 3000 steeple féminin? Non. Tu as été la chercher celle-là. Ouais, c'était bien tenté. Le 50 km marche féminin. Un relais. Le 4x400 féminin. Le 4x2. 4x200. 4x400 masculin. Mixte. Oui, ah, oui qui c'est qui a dit mixte? Moi. Guillaume. Merci, Yacine. 4x400 mixte qui servira pour les JO de 2020 d'ailleurs. Je donne. Et l'innovation, quelle est-elle? C'est une innovation par rapport à sur le marathon. Ou... C'est départ avancé. Anticipé parce que à cause de nuit. La chaleur. Départ de nuit. Ah, oui. Horaire nocturne parce que en raison de la chaleur. Des éléments, mais pas allez, la réponse. Dernière question. Qui a dit c'est une bonne nouvelle, rapidité évidemment, pour Madrid d'accueillir un événement d'une telle ampleur? Jouer la Coupe Davis a toujours été quelque chose de spécial et Sergio Ramos. Ça sera encore plus avec l'ambiance qu'il y aura en novembre. Rafael Nadal, point. Pour Romain. Aïe aïe aïe. Allez, petite dernière question. Qui remet en jeu son titre de championne du monde de mondial de hand féminin? La France. Bah oui, la France. Évidemment. Et victoire de Guillaume ce soir à ce quiz. Et bonne année à vous. Ça te remet de ton mauvais quiz de fin d'année 2018. On va finir là-dessus. Bien comme joué. Je vous l'ai dit, pas d'agenda ni de pronostic. On aura pu parler évidemment des championnats du monde qui démarrent bientôt de hand. La semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine et l'Australian Open. On le retrouvera. Un format plus classique. On retrouvera un format plus classique la semaine prochaine. On va finir avec le son de la semaine France-Allemagne en 2015, puisqu'il y aura de la Coupe du Monde féminine cette année. Les Françaises qui sont inclinées face à l'Allemagne, mais au terme d'un gros match. Je vous mets le but de Louisa Nessib sur ce match. On se retrouve la semaine prochaine. On remercie évidemment tous les invités d'être venus ce soir pour parler de dopage et à mes chroniqueurs adorés, évidemment. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye. Sport & Chill, salut. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allons. Bonne année à tous. Repoussé et il y a l'occasion. Elle est contrée et c'est dedans. L'équipe de France qui ouvre le score. Nous sommes télécontrés. Elle attend et... Magnifique. C'est seulement le troisième but encaissé par l'Allemagne en Coupe du Monde 2015. À la base. Sport and Chill. Tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier.